bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse, nouvelle saison. On est ensemble comme tous les lundis, vendredis, 21h, 23h, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr jusqu'à 21h30, comme je vous l'ai dit. Alors il faut que je m'y... Il va falloir s'y faire ce nouveau lancement. Et aujourd'hui est un jour un peu spécial dans la vie d'un supporter, dans la vie d'un club de football, puisque après 19 ans de sous pavillon M6, sous pavillon français. Les Girondins de Bordeaux sont donc officiellement depuis cet après-midi, même si c'était un secret de polichinelle, on va pas se mentir, mais c'est officiel donc depuis cet après-midi, le FCGB appartient au groupe américain GACP. On va évidemment consacrer une large partie de cette heure et demie à cette actualité bouillante de l'après-midi. On va revenir sur l'autre actualité bouillante. Alors qu'il y a ça, c'était complètement fou puisqu'on s'est quitté lundi soir à 21h30 sur Malcolm et était dans l'avion. Hein. On s'est quitté là-dessus et puis on a fermé la porte du studio. On a repris nos petites voitures pour rentrer chez nous. Puis Malcolm était à Barcelone. Donc voilà, rebondissement de situation. On va évidemment revenir dessus. Et qu'est-ce qu'on a ? Et un point mercato évidemment. Si on a le temps, parmi toute cette effervescence, nous aurons d'ici quelques instants, d'ici 10 petites minutes, un journaliste de 20 minutes avec nous. Normalement. Enzo, je dis Jean, désolé, j'oublie. Clément Carpé. Merci, j'allais encore dire Clapé, donc ça craint. Clément Carpé, tout à fait journaliste à 20 minutes, qui va nous donner son avis, son ressenti sur, et puis peut-être des informations sur ce groupe américain qu'on avait déjà étudié un petit peu dans l'émission en fin de saison dernière. Puisqu'on avait quand même fait des débats là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie plein de choses. On est parti à l'arrache, j'oublie plein de trucs. Sont avec moi autour de cette table. Vous avez entendu sa petite voix douce et mélodieuse. Il arrive du bassin. Il est bronzé. J'arrive de la canne. Oh, pop, d'où le bassin là ? Quoi, la canne ? Ah ouais, Oh là là. Du médoc, moi, je te le dis. Oh là là. Va pas dire à un médocain qu'il est. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pas fait ? Ça va, Enzo ? Ouais, bah ça va nickel, hein. Bien, forme américaine. Wow, fais-toi ouais, l'américaine. Ouais, welcome cool. To Girondin Analyse. Wow. Between 18 and 19, je sais pas quoi là. la nouvelle. Oh non, c'est you trop. Are so bilingue. Enzo is in the place, motherfucker. Oh yeah. Are you okay, baby? Oh yeah. Oh putain, on fait toute l'émission en anglais, Marc, t'es chaud? Moi, ça me dérange pas. Alors, moi non plus, ça me dérange pas. Mais Marc et Rémi, je sais pas si ça va pas les déranger un peu. Si Rémi! Ouais. Come on, bitches. Are you okay? Non, moi je suis français, je reste français. moi je suis le gros bouffe du coin, je parle que français, voilà. Bon, ça va ? Ça va. On est, prêt pour les chouettes billets. Prêt pour, ouais. Et puis, ah oui, oulala, j'ai complètement oublié. On va revenir évidemment sur le match quand même, que toi et Enzo vous avez pu voir. Alors, moi, ouais. On l'a pas vu, mais vous pourrez nous en parler quand même. Un petit peu, ouais. Que vous avez courageusement vu. Quignos. Et Marquinhos est avec nous également. Ça va, Marco ? Salut à tous. Donc, Marco, Marco quand même avait anticipé le coup. Ça fait un an qu'il prend des cours d'anglais. Il s'est dit, attends, ça, garçon, ça va peut-être me servir si un jour on fait venir Joe Dalton. Ça doit plutôt Joe Dalton. Pour mon boulot. Voilà. Surtout. Oui, aussi. Mais bon, si on peut mêler le plaisir et le professionnel, j'ai envie de dire. Ah, alors le plaisir, ça se prend autrement que avec juste la venue d'un assistant. On peut prendre son plaisir dans le professionnel. Je ne me mêlerai pas de la vie privée des gens. Ça ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Animateur radio de Netflix. C'est clair. Même si on sait qu'il fait crante la boîte gay. Bref. Fucking Blue Boys. Le fucking Blue Boys, tout à fait. C'est un sketch des inconnus pour ceux qui n'ont pas la référence. Rémi, tu vas voir sur YouTube. Non, ça va. Bah, en même temps, t'étais pas né. Donc. Tu n'as pas la référence là-dessus. Tout à fait. C'est Enzo, ton destin de connaître ta référence là-dessus, quand même. Alors, donc d'ici quelques instants, je vous l'ai dit, le chat, évidemment, je manque à tous mes devoirs. Amis chatteurs, bonsoir à vous. Bienvenue pour évidemment réagir en direct et donner votre avis à tout ce qui va se dire dans cette émission. Vous pouvez également nous appeler au 05 56 31 31 0556 35 31. Oh yeah. Oh yeah, biatch. Ah ouais, non, ce soir je vais être horrible. Je vais mettre que des trucs. Des biatch partout. Ah ouais, que des biatch et des motherfuckers dans tous les coins. You fuck niggas. Donc 05 56 35. Joseph Dagrossa est sur le chat. Salut Joe, bienvenue à toi. Il nous dit hello everyone. Hello guy. Welcome to Bordeaux. Voilà, On peut le faire aussi avec un accent tout pourri en français, c'est bien. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, donc 05 56 35 31 31 en vous rappelant qu'on peut pas avoir deux auditeurs en même temps, mais c'est pas grave, Enzo avec ses petits doigts tout bronzés, magique. Ses petits doigts magiques vous accueillera au standard, il prendra votre numéro s'il y a déjà quelqu'un et puis on vous donnera le petit signal. Et à tout moment, il peut vous chanter un petit tata yo-yo qui est assis sous ton grand chapeau. Voilà. Voilà. Ça c'est le bonus secret. At... Allez là, on fait tout en anglais. Ouais. Very well and you, my supporters, nous dit Joseph Dagrosa sur le chat. Mais écoute, all is fine. C'était l'anglais à l'arrache. Quoi. Ouais, non, alors, on dit how are you doing? Oui, Rémi, tout à fait, tu as raison. Mais si nous prenions des de toute façon, il va falloir s'y mettre les enfants parce que les conférences de presse et les machins, ça va être que. Comment dire? Que de l'anglais? Que de l'anglais. Bah oui. Ça peut être de l'espagnol. Oui, ou tu sais, c'est juste un investisseur. Alors, donc avec un petit peu de y chance. Il y a tellement d'infos. Oui, excuse-moi. Avec un petit peu de chance, il parle pas que anglais. C'est, il est pas, peut-être, illettré comme nous à ne parler qu'une seule langue. Là, il est plus intelligent. Pas... Bienvenue en parlant français. Alors, le truc là, c'est que ça n'arrête pas de tomber depuis, donc, 17h, 17h30 cet après-midi. Il y a des infos qui tombent dans tous les sens. On va essayer d'être, avant d'avoir, déjà, la première info, il faut noter que, elle est de Girondin Analyse. Enfin, bon, elle est pas vraiment de Girondin Analyse parce que celui de l'émission qu'il avait a obligé de la... n'a pas pensé que ce serait préférable de la tweeter avec Girondin Analyse. Mais elle est d'un dissident de l'émission. Elle est... Presque Girondin Analyse. Je tiens juste à préciser quand même que de base, tu vois, quand même, j'étais pas non plus serein à 100% sur le fait de la publier, tu vois. Donc je préfère que ce soit moi qui la publie, tu vois, avec mon petit compte, on va dire, que avec le compte de Jia, tu vois. Et à la fin, tu vois, c'est pour ça que j'ai quand même directement. Je l'ai dit aux personnes qui gèrent toutes les brèves. Ne te justifie pas, tu as fauté, c'est tout. C'est à un moment, tu as raison, faut pas... Tu as décidé de préserver l'émission d'éventuelles moqueries. Tu sais, c'est très bien. Gloire à toi, Enzo. Donc, je vous disais, plusieurs infos qui tombent là. Alors, on va essayer de tout remettre dans l'ordre, évidemment. Ok, pas de souci. Et puis on va le faire en direct avec notre peut-être invité. Si on a donc celui qui est non, mais attends, Enzo fait secrétaire aussi. Oui, Enzo, oui, alors oui, Enzo fait tout en fait. Enzo CM fait... secrétaire. Enzo gère Twitter, Facebook. Faut appuyer sur le bouton rouge. Bon, tu peux monter un petit peu le son dans les casques, s'il te plaît. Le son dans les casques. Oui, je peux. Oui, il faut raccrocher maintenant. C'est fait. C'est bon. C'est fait. Alors la technique chez nous, c'est quelque chose d'assez d'assez incroyable. Alors je profite de ce petit moment le temps qu'on transfère notre invité au téléphone. On a changé cette année le format d'émission. Donc maintenant c'est tous les jours 20h 21h30 tous les lundis et vendredis. Tout à fait. Il y aura des émissions exceptionnelles lors des soirs de match pour quand ce sera un peu exceptionnel. Donc on va essayer d'avoir la première émission à de 19h30 à 20h30 ou de 19h à 20h. Après le match contre Strasbourg. Et la deuxième chose, c'est que tous les premiers vendredis du mois, à partir de 2 septembre, donc je crois que ça tombe le 7 premier vendredi, voilà, on fait une émission qui va de 20h à minuit, un peu exceptionnelle, avec des guests, avec ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des remarques sur ces changements, à nous les transmettre. C'est comme ça qu'on améliorera encore un petit peu les choses. Gérard. Sachant qu'on a fait un petit peu aussi en fonction de nos vies personnelles. Peut-être qu'on ne changera pas tout. Mais... On va pas vous mentir, hein, si on fait 20h, 21h30, c'est juste parce qu'on est défoncé le mardi. Voilà, c'est surtout ça, ouais. On va pas se cacher. Oui, non, mais t'as complètement raison. Faites vos remarques sur le chat, sur les réseaux, si vous êtes pas sur le chat, même sur Twitter. Alors bon, laissez-nous quand même un peu de temps de rodage, hein. Nous défoncez pas de suite. Ouais, un petit peu. Faites comme avec les Girondins. Laissez-nous le temps un peu de se chauffer. Et puis voilà, Marc, tu voulais peut-être terminer sur non, c'est bon, parfait. Je te dis, on peut accueillir notre invité. Et donc, on va pouvoir accueillir notre invité au téléphone. C'est Clément Carpentier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Enzo, qui en l'occurrence représente l'émission. Clément, journaliste à 20 minutes. Oui, tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Et je suis le Girondin au quotidien. Voilà. En tout cas, on essaye de les suivre parce que c'est compliqué, on va dire. Ça a été compliqué ces derniers mois. Alors, j'allais dire, aujourd'hui, là, depuis aujourd'hui, ça devait être un petit peu la révolution. Je sais pas si t'étais au Hayan ou si t'étais à la rédaction ou je sais pas où. Non, malheureusement, j'étais pas au Hayan parce que, on a le droit à quelques vacances quand même dans l'année. Mais, j'ai suivi ça de très loin. J'ai suivi ça de très loin, mais aussi de très près, du coup, pour voir un peu ce qui se passait, sachant que bah on sait que ça a bougé déjà depuis un petit bout de temps et que bah, fin juillet, on devait enfin avoir une deadline. On rappelle quand même que la première deadline, c'était, je crois, le 15 juin. Finalement, ça avait été repoussé. Donc, on pouvait s'imaginer que ça allait être repoussé une énième fois par Nicolas de Taverneau. Mais finalement, bah, là, la décision est tombée, même si il faut mettre un bémol, puisque il y a des discussions qui sont engagées, un processus de vente, comme on dit aujourd'hui, on va dire techniquement. Mais pour l'instant, en gros, il n'y a aucun papier officiel qui a été signé. Et donc, du coup, on c'est peut ça. Toujours avoir un rebondissement. On l'a vu, par exemple, avec Malcolm cette semaine. Donc, on verra. Est-ce que le club va faire un tweet malheureux, encore une fois alors, ça serait t'imagines, ça serait magnifique, les mecs. Oh, putain, c'est officiel, deux jours après, tu dis, ah, on part chez les Chinois. On a une nouvelle offre. On part en Chine, du coup. C'est 70 millions d'euros, ouais, c'est ça. Non, mais on sait pas. C'est surtout que, bah, finalement, la question, notamment du loyer du stade, qui apparemment a posé problème de longs mois, n'est toujours pas validée à 100%, puisqu'en gros, ça sera à Alain Juppé, le maire de la ville de Bordeaux et surtout le président de Bordeaux Métropole, de valider. Dans quelques semaines, apparemment autour de fin septembre, la vente des Girondins de Bordeaux. Finalement, c'est même plus entre les mains de Nicolas de Taverneau aujourd'hui, c'est plutôt entre les mains de Alain Juppé qui devra valider l'arrivée de ce fonds d'investissement américain. Quoi. Puis il y a une info importante que tu as donnée quand même, il faut quand même pas oublier, c'est que M6, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué cet après-midi, les gars, mais M6, dans son communiqué, précise uniquement que des négociations exclusives sont entamées, enfin, ont lieu avec GACP. À aucun moment ils ne disent que c'est vendu. Ouais. Ils n'annoncent que c'est officiel. Bon, c'est à mon avis, c'est juste une question de, je pense, de peut-être de comment on appelle ça, juste de régler de peut-être forme. Certains détails. Oui, voilà, peut-être pour la forme, le temps peut-être de régler certains détails qui doivent nous échapper un petit peu. Clément, tu penses qu'M6 a fait traîner peut-être un petit peu le temps de vendre Malcolm, par exemple ? Non, je pense pas un que. Peu... Non, parce que en fait, sur selon mes informations, en fait, il y avait deux prix possibles dans la vente du club. Il y avait un prix de la vente du club sans Malcolm et un prix de la vente du club avec Malcolm encore au Girondins de Bordeaux. Donc, il y avait vraiment deux prix différents qui variaient selon la vente. Et après, la vente était un peu indépendante de celle du club, en fait. La vente de Malcolm, en tout cas, quoi. Elle était totalement indépendante, apparemment. Il y avait juste deux prix différents, donc je pense pas que M6 s'est dépêché de vendre Malcolm, parce que sinon, bah, si c'était leur stratégie, ils se seraient aussi dépêchés de vendre Pablo, ils se seraient aussi dépêchés de vendre Sabali, et pour le coup, c'est pas le cas aujourd'hui, donc je pense qu'il y avait vraiment, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, qu'il y avait deux prix différents, quoi. Et juste pour revenir un petit peu avant, tu fais bien de le rappeler, cette discussion exclusive, parce qu'il faut rappeler qu'on a un exemple très concret qui s'est passé il y a quelques mois, c'est l'AS Saint-Etienne, qui était dans des discussions exclusives là aussi avec des Américains, avec un fonds d'investissement américain, et finalement deux jours après ils ont annoncé la fin des discussions et ils sont même prêts à les attaquer en justice. Donc j'ai pas suivi le dossier depuis, mais le club de Saint-Etienne était même prêt à attaquer ce fonds d'investissement en justice après avoir dit qu'ils étaient en discussion exclusive. Donc vraiment faut pas avoir des pincettes, parce qu'apparemment là tout semble réglé, mais on sait jamais, il peut toujours y avoir un rebondissement surtout avec ces fonds d'investissement, puisqu'on sait que tant que le club ne communiquera pas. Oui, exactement, tout à fait, ouais. Donc là, il l'a quand même annoncé à ses salariés, donc je pense quand même que c'est bien avancé. Et après, le groupe M6 a quand même publié il y a 2 heures, le groupe M6 est rentré aujourd'hui en négociation exclusive avec le fonds d'investissement. Mais la négociation exclusive, on a l'impression qu'elle dure quand même depuis un long moment. Depuis janvier, parce que je crois que c'était d'abord pour mi-avril, puis ensuite pour fin août. Ouais. Ou si jamais ils réunissaient les conditions, M6 c'était dans l'obligation de leur vendre le club. Donc la négociation exclusive, elle avait quand même démarré depuis. Il y avait même eu un ultimatum, je crois, non, de poser par M6. Oui, enfin, aussi, il y avait un ultimatum. Ouais. S'ils réunissaient pas tout, ils étaient plus ils avaient plus. C'était plus. Ils pouvaient aller voir ailleurs. Voilà. Tout à fait. Donc, ils étaient sortis un peu de ce système-là. Après, je pense que là, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie discussion, une vraie communication, publique. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de communication publique, que ce soit du groupe M6, il y avait des interviews par-ci, par-là, Mais là, il y a une vraie discussion. Il y a aussi l'étape de tous les salariés qui ont été prévenus qu'ils allaient sûrement changer de patron, tout simplement. Donc c'est surtout là où ça va un peu plus loin aujourd'hui. C'est plus au niveau public, on va dire, même si déjà la fois où ils s'étaient affichés publiquement au Royaume sans entraînement, reprise, c'était une preuve. C'était une preuve que c'était les discussions étaient bien engagées, parce qu'on s'affiche pas comme ça pour dire 15 jours après qu'on n'est plus copains et on va pas avancer. On fait pas une Jacques Cachecar, par exemple. Ça, c'était un grand moment d'émotion. Je crois que les Marseillais s'en souviennent encore. Ouais, même moi, je m'en souviens. Même toi, tu t'en souviens. Ah ouais, c'était trop beau, ça. Un grand moment d'émotion, ça. Le mec dans le vestiaire, président, l'autre, il soulève. Allez, je vous paye tout ce que vous voulez, les gars, dès que j'arrive. Enzo. Ouais, Clément, on en a parlé dans l'après-midi, mais c'est pour toi, si tu peux expliquer un peu à tout le monde, c'est quand même étonnant le fait. Donc, je l'ai indiqué, plusieurs personnes l'ont indiqué sur les réseaux sociaux. Les salariés, ils ont été prévenus quand même qu'une demi-heure avant. C'est quand même étonnant, quand même une demi-heure avant, je vois pour certaines personnes. Non, mais les employés, ils sont comme nous, ils lisent les médias, ils s'en doutaient pas quand même déjà qu'il y a 6 mois. Les employés, je vois, les personnes que je connais, qui n'étaient pas au Haillan à ce moment-là, qui ont dû venir au Haillan. Peut-être pour éviter les fuites. Ils étaient de repos comme ça. Et ils ont dû venir directement au Haillan, et ça s'est su une demi-heure avant. C'est quand même, moi je trouve ça impressionnant. Après, je sais pas ce que t'en penses toi, Clément, mais après c'est ce qu'il va falloir. C'est à la limite ce que j'ai envie de te dire, Enzo, c'est il va falloir s'y habituer, puisque c'est du management à l'américaine. Ça veut dire que les sentiments, ça n'existe pas. Ça veut dire que si demain ils doivent virer quelqu'un, ou s'ils doivent virer 15 personnes, ils vireront 15 personnes. Je rappelle juste que quand ils ont plus ou moins manœuvré la fermeture de la télé, ils ont annoncé ça par mail. Donc voilà, aux personnes qui étaient concernées. Donc il y a plein de choses comme ça où il va falloir s'habituer, parce que ça va pas être comme avant. C'est sûr que Nicolas de Taverneau tournait beaucoup plus de pincettes, était peut-être plus dans un rôle social, on va dire, comme le représente le pays, la France. Là, les Américains, c'est tout autre chose. Eux, voilà, ils vont faire des coupes budgétaires, ils vont dire, voilà, on a besoin de tant de personnes en communication, on a besoin de plus de personnes que ça. Donc ça, c'est vrai que ça a été géré. Bah, ça a été géré comme les Américains l'ont voulu. De toute façon, je pense que même Nicolas de Taverneau, qui est quelqu'un quand même qui communique assez facilement, hein, qui peut facilement dévoiler des choses, c'est pas quelqu'un qui cherche à cacher ce qui se passe. Comme par hasard, là, même pour les journalistes, c'était très compliqué de savoir ce qui se passait, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Et comme tu l'as dit, on pouvait interroger n'importe quel employé, il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait dans les bureaux. D'ailleurs, même le président du club, tout simplement, Stéphane Martin, nous l'a répété à plusieurs reprises, lui n'a pas du tout suivi ce processus de vente, quoi. Il était assez éloigné des discussions. C'était vraiment quelque chose qui se négociait entre Nicolas de Taverneau, M6, et ce fonds d'investissement américain, et du coup son président, Joseph Dalgrosse. Après, moi, il y a quelque chose qui me fait très très peur pour la saison girondine, c'est que, comme on l'a dit, tout peut être annulé par la validation de session du conseil de Bordeaux Métropole. Mmh. Moi, ce qui me fait très peur, et encore ce que je comprends pas, c'est qu'il faille encore 2 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on ne saura ça que le 28 septembre. Ça se fait pas comme ça, Marc, ouais, le club de football. Ça, ouais. Ça se fait pas comme je ça. Que... Il doit y avoir des procédures. Pas de soucis, ça se fait pas comme ça. Moi, j'ai un peu de mal quand même sur quelque chose qui dure depuis maintenant plusieurs mois. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que il se passera rien sur ce mercato. Ce mercato, il se passera rien. Marc, il reste encore un mois et demi. Mais c'est pas ça. Alors, avant de me couper, Seb, il faut que tu apprennes à écouter les gens. Le problème, c'est pas qu'il reste un mois et demi. Peu importe. C'est que M6 ne veut plus rien investir et ne va pas craquer 10 millions d'euros sur un recrutement. Et le fonds d'investissement, qui au final est pas sûr de voir son achat être validé, peut toujours pas mettre de sous réellement. Donc on va devoir composer un mercato d'été sur lequel on a déjà du mal à composer, avec seulement les ventes que l'on va générer. Seulement ça. Sachant que sur Malcolm, c'est un secret polichinelle, M6 voulait récupérer ses 15 millions d'investissement. C'est pour ça qu'ils attendaient avant de vendre le club. C'est pour ça qu'on parlait d'un prix avec ou d'un prix sans. Je pense que c'est les 15 millions de différence. Moi, je suis désolé, je suis pas hyper serein sur la saison. Sur la saison. Entre ça et des querelles en interne entre les dirigeants et Gustavo Poyet sur le recrutement, c'est pas très bon quand même. On est non, mais... le 27-07, il y a toujours 0 recrue au Girondins de Bordeaux. Ça fait juste 2 mois que le mercato a commencé. Ça, pour le coup, il faut se le dire tout de suite qu'aujourd'hui, la saison prochaine, elle est déjà entre guillemets foutue. Il faut pas se mentir, aujourd'hui, la saison prochaine, ça sera très compliqué d'être compétitif et d'être en place et de faire un mercato comme ils auraient pu le faire. Donc voilà, ça c'est sûr et certain. La vente arrive beaucoup trop tard. Bon bah ça c'est comme ça. Et les supporters, malheureusement, ils peuvent être déçus ou pas. Mais malheureusement, la saison prochaine, en gros, à part une bonne surprise, à part la révélation de certains jeunes, ça sera très compliqué d'être compétitif, quoi. Ou en tout cas d'être compétitif comme ils veulent l'être, ça veut dire apparemment retrouver des places qui qualifient pour la Champions League. Donc voilà, ça c'est sûr que pour le coup, il faut pas se mentir, pour la saison prochaine, pour moi, en tout cas, ça sera très compliqué. Et après, il faudra voir à moyen et long terme. Ce que ça pourra donner, on va dire, plutôt l'année prochaine et voir le mercato de l'hiver prochain, on va dire. Juste pour préciser, du coup, parce que j'ai lu d'ailleurs la bonne interview de Nicolas de Taverneau il y a quelques minutes sur l'équipe, et moi j'ai eu la confirmation aussi. Aujourd'hui, jusqu'à la date de session officielle du club, c'est bien M6 qui gère. Ça veut dire que s'il y a un euro qui est dépensé ou un euro qui est récupéré, c'est M6 qui gère. Avec des Américains qui, évidemment, je pense, mettent derrière leur feu vert ou leur feu rouge, on va dire ça comme ça. Mais jusqu'à cette date-là, c'est M6 qui va gérer. Donc, et on a entendu des rumeurs on a entendu Bordeaux faire des propositions. Moi, je suis pas inquiet comme toi. Je pense qu'M6 jouera son rôle jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, M6, je pense. Ils vont jouer, de toute façon. M6 ne dépensera pas 10 millions mais sur un transfert qu'ils ne récupéreront pas. Et sur un transfert qu'ils ne récupéreront pas. M6 ne peut pas exiger de GACP de dire je veux que vous gardiez, ils doivent transmettre quelque chose en bonne santé quand même. Je crois que tu rêves. Tu crois que M6, Nicolas Terrano en avait plein le cul cet hiver, il voulait déjà vendre le club, il voulait pas investir 1 million. On a récupéré des mecs, je te rappelle juste que le mercato de janvier a été fait avec 2 prêts. On a attendu le transfert de Malcolm a bloqué la vente du club pendant quasiment 2 mois, juste pour que M6 récupère 15 millions. Et tu crois qu'ils vont aller remettre 5 millions? Mais dans quel monde vous rêvez? Avec les transferts que tu vas récupérer, RTL et qu'on appelle ça, ceux qui sont en bourse là, pas les investisseurs, les actionnaires. Non. Bon, j'ai plus le mot en tête. Tous les gens qui investissent dans M6, qui sont qui élisent entre guillemets un PDG, les actionnaires. Merci. J'ai compris fonctionnaire, mais actionnaire. Les actionnaires en avaient marre de Bordeaux. L'image M6, ça fait plusieurs années que Nicolas Terrano gardait Bordeaux, mais que les actionnaires voulaient qu'ils s'en séparent. Ça coûte de l'argent chaque année. Il a déjà déclaré qu'il mettrait plus 1 million dedans. Mais vous croyez que je te parle de gérer avec l'argent qui rentre des transferts, pas de mettre de l'argent de même. Exactement. Voilà, moi c'est ça. Mais combien qui rentre aussi? Mais il faut déjà que t'as 40 et 12 qui vont et 15 qui vont rentrer. Alors, excusez-moi. 40, ouais, mais 40 t'enlèves 15, facile. Ouais. T'enlèves 15 et t'enlèves aussi le déficit des Girondins de l'année dernière. Mais il te reste 20. Oh. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. T'as 60, t'as 42 plus 15. Allez, on t'arrondit grosso modo à 60. Allez, 60. 60 avec qui? Pour l'instant, je les ai pas vus vendus, les joueurs. Oui, bon, ça balie. Ouais, mais j'ai toujours pas vu vendus. Ça balie. Roland, t'as 6 millions. Il faut que tu vendes plus de joueurs. Il faut que tu vendes quasiment plus de joueurs que ça. Il faut que t'en recrutes d'autres. Moi, je suis désolé. Rêvez pas. En plus, vu déjà les problèmes qu'il y a en interne pour recruter, moi, je vous le dis, le mercato là, je le sens pas bien du tout. Pour terminer, Clément, la prochaine étape qui devrait donc là pendant 2 mois, on peut s'attendre à ce que ça bouge pas trop et que. À part sur le marché des transferts, on voit pas comment ça pourrait. Bouger autrement, puisque apparemment c'est à Alain Juppé maintenant de valider ou non cette vente, en gros c'est lui qui va le décider, donc voilà, fin septembre, donc d'ici là on verra comment ça va se passer. Après c'est difficile de voir comment ça va évoluer, parce que il faut tout simplement rappeler ce que c'est un fonds d'investissement, hein. C'est ce qui se passe à Lille, c'est donc totalement différent de Franck McCourt à l'OM par ou exemple, de Paris ou de Monaco. Voilà, exactement. Donc, il faut surtout bien avoir ça en tête pour tous les supporters qui aujourd'hui voient leur club vendu. C'est qu'aujourd'hui, le foot, leur but, le but d'un fonds d'investissement, c'est de faire de l'argent. Et s'il y a bien un truc qui rapporte pas d'argent, aujourd'hui, c'est le football. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. C'est clair et net, quoi. Donc après, faudra voir quelle est leur stratégie. S'ils ont une stratégie hors foot, c'est-à-dire que ça serait de racheter aussi plutôt des propriétés viticoles et puis de développer après le nom Bordeaux. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'en gros là ils font juste un premier pas dans le monde ici à Bordeaux et en gros pour être cash le club ils s'en foutent. Donc voilà, ils mettent juste un pied dans le réseau bordelais. Soit ils vont vraiment essayer de développer quelque chose, mais ça sera à voir à plutôt moyen ou long terme, parce que c'est très compliqué de savoir. Quand on entend aujourd'hui qu'ils vont investir 80 millions d'euros sur 3 ans, bon bah moi j'attends de les voir, hein, parce que franchement, ouais. 80 millions d'euros, quand vous avez pas de fonds propres, parce qu'il faut pas oublier. C'est que c'est pas ça, leur argent. Les fonds d'investissement, c'est pas leur argent. Ils ne baladent pas avec des mallettes de cash. Hein. C'est malheureusement. Qui ont que de l'argent virtuel, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, ces 80 millions, faudra voir s'ils arrivent vraiment à un moment donné. Quoi, parce que, après, ce qui est plutôt intéressant, c'est que le club arrive à rester à peu près stable et à faire des coups comme avec Malcolm, ça veut dire prendre des jeunes joueurs, puisqu'en gros, aujourd'hui, si on veut gagner de l'argent dans le foot, il n'y a qu'une seule solution, c'est prendre des jeunes joueurs et faire des grosses coups. Comme Monaco, quoi. C'est ce que Monaco fait depuis 4-5 ans, c'est ce que Lille essaye de mettre en place depuis 1 ou 2 ans avec le rachat, et c'est ce que Bordeaux, à mon avis, va vouloir mettre aussi en place dans les prochaines années. Donc il va falloir voir ce que ça donne, voilà, et pas être très exigeant, je pense, au niveau des résultats au départ, en tout cas. Voilà, même si aujourd'hui il y a de très bons jeunes au club, et que c'est peut-être à ce moment-là, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de les faire éclore, et c'est surtout eux qui pourront rapporter de l'argent plus tard, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fonds d'investissement, ça reste très flou sur ses objectifs à moyen et long terme, quoi. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire du club, quoi, en gros, entre guillemets, quoi. Donc au moins avec M6, on savait qu'ils investiraient plus d'argent dans les prochaines années. Oui. Ça faisait déjà quelques temps. Moi, c'était que clair. Eux, là, voilà, c'était clair. C'était assez clair. Là, le fonds d'investissement, bah. Faut voir, je peux pas. Je suis assez négatif sur la question, mais j'espère être surpris positivement, on va dire ça, dans les prochains mois, quoi. Rendez-vous dans quelques semaines, donc quelques mois, pour voir la suite du dossier. Merci beaucoup, Clément, d'avoir été avec nous. On peut te suivre, évidemment, dans 20 minutes, version papier, exactement, internet. Internet, voilà, exactement, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on essaie de faire du mieux, sachant qu'il va falloir se mettre à parler correctement anglais. On va s'entraîner. S'il y en a chez vous qui ont des petites lacunes, va falloir se remettre au niveau. Ouais. Exactement, quoi. Donc voilà. Mais bonne soirée en tout cas, et puis toi aussi. Merci beaucoup et bonne suite d'émission. Merci. Merci, bonne fin de vacances. À bientôt. Oui, merci. Bonne fin de vacances. Et n'oublie pas le stade. À bientôt. Merci. C'est ça, à jeudi. Alors, salut. Ciao. Sympa. Hop là. Sympa Clément, oui, le pauvre est pendant ses vacances. Ouais, il fait du rap, quoi. Il m'a fait la faveur, oui, de pouvoir. Donc on le remercie doublement. C'est sympa, ouais. On aurait pu le chambrer un petit peu sur ça. Alors, les enfants, on va reprendre. Il y a des gens qui vont continuer à appeler. Voilà. Donc, si tu nous écoutes, tu peux appeler. Des petites infos, parce que là, ça tombe. Oui, alors Marc ou Clément nous le disait tout à l'heure. Oui, donc, pas avant. Déjà, rien n'est officiel. Oui. GACP s'engage à investir 80 millions dans le club, en plus du prix d'achat. Donc, 70 plus 80, faites le calcul, ça fait 150. Alors après, 80 millions, c'est toujours pareil. Ça peut être... attention, les gens ne croyez pas, les enfants, que 80 millions, c'est 80 millions... Cash. Non, surtout que dans les transferts. Ouais, c'est sûr. Aussi, non, c'est 80 millions pour gérer ton club. Après, non, c'est 80 millions rajoutés dans les caisses du club. C'est pas... pendant les mecs, là, vous avez encore un retour en antenne où j'entends... Le téléphone sonnait. La différence, c'est qu'on va avoir 80 millions d'euros investis sur 3 ans qui participeront comme fonds propres et qui vont s'additionner à toutes les entrées d'argent supplémentaires du club, que ça soit la vente de joueurs, que ça soit les recettes liées aux droits télé, que ça soit les recettes liées aux contrats de sponsoring, aux contrats publicitaires, aux entrées de merchandising. Et tout aussi, ça. Ouais. Ça, c'est la première chose. Après, moi, il y a... En fait, on ne sait pas trop pourquoi ils viennent. On sait que leur but, c'est pas de perdre d'argent, donc automatiquement, leur but, ça sera au moins d'en gagner un petit peu. Au moins de pas en gagner perdre. Par. Ouais, aussi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas juste venus là pour le plaisir de participer. Oui, oui, évidemment. Ouais, le plaisir n'est pas de participer chez les Américains. Le plaisir, c'est de gagner. Donc, je pense pas qu'ils soient venus là pour gagner des titres. On n'est pas sur un nom qui a envie de se faire mousser ou là, on est vraiment sur une société de fonds d'investissement. Je pense pas que Dagrossa ait les Girondins de Bordeaux dans son cœur, donc je pense pas non plus que ça soit un objectif. Donc ça va faire de l'argent, soit comme l'a dit le journaliste qu'on avait, Clément, en investissant dans la région. Mais j'ai pas l'impression que ça soit aujourd'hui l'objectif des Américains qui investissent dans le sport. Et c'est là, Marc, où peut-être il faut élargir la vision. Les Qataris au PSG, ils investissent certes dans le PSG handball, mais ils investissent pas que dans le sport. Dans la région aussi. Ils investissent dans les hôtels, justement, dans l'immobilier. Justement. Et Bordeaux, pour ça, c'est une ville en pleine explosion. Laisse-moi finir. On remarque, pour tous ceux qui ont étudié les investissements dans le sport des Américains, et Dieu sait qu'ils l'ont fait et qu'ils commencent à s'intéresser au foot, parce que le foot est le sport le plus populaire du monde. Longtemps, les Américains ont cru que le monde était tourné vers eux et que la NBA, c'était ce qui était le plus regardé au monde. Le foot féminin cartonne aux États-Unis. Oui, aussi, ouais. Ils s'aperçoivent que le foot professionnel masculin est le sport incontournable qui est suivi par des milliards de personnes et qui dévance de loin tous les sports et shows américains. Donc, ils ont compris que les Américains, comme à l'instar des pays d'Arabie Unie ou des pays asiatiques, devaient s'intéresser au football, devaient investir en football pour faire briller des marques, etc. Aujourd'hui, les Américains, s'ils investissent, moi, ça m'étonnerait qu'ils viennent à Bordeaux, parce que derrière, il y a du vin. Parce que ça, c'est la vision bordelaise qui consiste à dire chez nous, c'est super, et les gens, ils viennent pour ça. Non, parce que t'as pas besoin de te mettre dans le foot pour investir dans la région. Et ça, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Si ton but, c'est de faire du pognon en te mettant dans l'immobilier, tu n'as pas besoin de passer par le foot. Et pareil, si c'est le vin. Et ça, les Chinois l'ont bien compris. Ils ont jamais mis une bille dans le foot. Oui, ils ont acheté tous les châteaux. Donc, juste pour terminer, ils sont là pour deux options. Soit l'option de faire de l'argent à travers le football, c'est-à-dire par la vente de clubs, un petit peu comme ça s'est passé à Porto, ou comme ça se passe à Monaco, c'est-à-dire on vend des joueurs plus chers, on espère que les droits télé vont augmenter, puisque c'est aussi le cas de la vision, le football français est de plus en plus ouvert et ne peut que progresser par rapport à un championnat anglais qui peut difficilement progresser dans la somme d'argent qu'il génère. Le championnat français, lui, peut progresser. Il y a deux choses. Soit ils investissent dans cet objectif-là, soit alors dans un deuxième, c'est de préparer le club à une future nouvelle vente à un investisseur qui aurait besoin de garanties que Bordeaux n'a pas aujourd'hui. Il faut le voir de ces deux façons-là et il ne faut pas oublier la revente qui peut être derrière. Mmh. On va continuer le comme l'a fait Colonie Capitale. Débat avec un auditeur au téléphone. Bonsoir. Daniel, bonsoir Daniel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec celui qui a parlé, je ne me rappelle plus son nom. C'est Marc. Que RMC, ils n'ont pas dit qu'ils sont. Pour RMC, eux, ils viennent juste pour. Parce que c'est la ville. RMC. Pas pour le club. Ils sont pas là pour. C'est un truc d'investisseur, ils sont là pour gagner de l'argent. Oui, mais alors. Ils sont pas là pour en perdre. On reprend tout. Personne n'a jamais dit qu'ils étaient là pour perdre de l'argent. Personne. Et puis, est-ce que vous croyez que les 40 millions de Malcolm, ils vont aller dans la caisse de... Ou c'est une fois qui va les récupérer? Alors, c'est un peu... Ouais, on va essayer de décortiquer tout ça. C'est un petit peu... Moi, je suis supporter de Saint-Etienne et de Lyon. De Bordeaux. Je connais le dossier de Saint-Etienne. Oula, j'ai eu peur. Excusez-moi. À 5 minutes de la fin, ça s'est arrêté. À 5 minutes de la fin. Alors. Je connais les deux dossiers. Les deux dossiers, c'est pas les mêmes, hein. On va reprendre. L'argent de Malcolm, il y a une partie qu'M6 va récupérer, puisqu'il voulait récupérer. Il voulait récupérer les 15 millions qu'ils avaient investis sur Malcolm il y a 3 ans. Le reste, ira dans les caisses du club. Il y aura peut-être sûrement une petite partie pour les agents, les intermédiaires, les machins. Le trou, il faut le boucher, le trou, il y a un déficit. Plus le déficit à boucher. C'est peut-être pour ça que Sabali, ça va peut-être se faire à Naples aussi. Ça fait rentrer 15 millions. Alors Sabali, on en parlera dans la partie mercato tout à l'heure. J'ai l'impression que Pouyet, l'entraîneur, il a quelques noms qui maintenant ça marchera plus. Bah, Pouyet, le problème, c'est que plus le temps passe et plus il voit qu'il n'y a rien qui arrive. Pouyet, il est aussi responsable du non-recrutement. Parce que la vente, elle officiel encore. Non, pour l'instant c'est... Si elle n'est pas officielle, il n'y a pas de vente, il ne peut pas faire marché de mercato. Ouais, c'est ben justement, c'est ce qu'on, c'est ce que Marc disait tout à l'heure. À Saint-Étienne, ça bloque le mercato à cause de ça. Mais ça bloque. Oui, déjà. Oui, c'est vrai que Saint-Étienne a eu le même problème que nous. C'est pour ça que le mercato bordelais cette année est très très compliqué, dans le sens où il faut faire beaucoup avec extrêmement peu. Ouais, mais il fallait mieux penser à la Coupe d'Europe. Hein. Ben oui, peut-être. Okay, parce que quand j'ai vu le match qu'ils ont fait, au rebond que c'est en face, c'est petit comme équipe. Hein. Ça fait un match digne d'un match amical. Ouais. On a eu une période de l'année où dans tous les cas on n'aurait pas vu grand chose. Et bon, c'est tout le traquenard. J'ai pas envie de m'étaler sur le match là maintenant. On en parlera tout à l'heure. Mais le mercato, on le sait qu'il est cerné par ça. Donc aujourd'hui Bordeaux doit faire avec très peu. C'est aussi ça qui bloque les transferts, puisque dès que on est un petit peu, c'est un jeu de dupes, hein, c'est un jeu d'agent. Quand un joueur est proposé à un certain prix, le but de l'agent c'est de travailler sa com, c'est-à-dire le vendre plus cher, donc de le proposer à d'autres clubs qui mettraient plus. C'est aussi pour ça que Bordeaux a eu plusieurs transferts capotés, parce que les prix des joueurs sur lesquels ils sont positionnés ont grimpé. On est dans une difficulté énorme, c'est-à-dire faire un bon recrutement avec très peu, sachant que le très peu, généralement, ça veut dire se tourner vers des joueurs peu connus, dont la cote peut facilement bouger. Donc ça, c'est... Ouais, il reste un mois de mercato, un mois. Oui, mais déjà, on savait déjà que le mercato était bloqué par cette vente de Macom. Il va y avoir aussi un fait, c'est que entre une annonce officielle et un pourparler, je pense que du côté et de Nicolas Taverneau et d'Agrossa, il y a déjà eu des échanges avec la métropole. Je n'imagine pas un seul moment dans l'échange qu'il peut y avoir depuis plusieurs mois maintenant que la discussion n'existe qu'entre Bordeaux, d'Agrossa et que la ville ne soit au courant de rien. Ça, j'y crois pas. Et d'ailleurs, déjà, le stade, j'y crois pas, moi. Le stade, il restera à la mairie. Ça, je m'inquiète pas pour ça. Ça arrivera pas. De toute façon, le contrat l'empêche. Bah, c'est quand même ce qui a fait capoter un des rachats. Paris qui veut le Parc des Princes, peut pas. Ça, c'est une qui veut Jean-Louis, elle peut pas. Il y avait deux personnes en avril qui étaient sur le rachat du club. Il y a le stade, ça a déjà fait capoter une vente, je pense bien plus avantageuse que d'Agrossa. Bon, c'est le passé. Sur le mercato, on est bloqué par ces points-là. Donc c'est pour ça que je m'étalerai pas là-dessus, mais moi ça me fait beaucoup rire quand j'entends Pouillet râler. Donc le mercato, il est bloqué par plusieurs points. Il va falloir que Bordeaux soit intelligent. Ouais, mais elle a pas d'équipe en sang. Mais il va falloir, je pense, mais je le dis le plus neutralement possible pour pas montrer mon agacement et mon inquiétude, mais il va falloir qu'on Bordeaux compose avec les soins effectifs qu'il a actuellement en essayant de le faire progresser avec deux trois touches. Vous oubliez la Coupe d'Europe. Il y a 30 joueurs. Aujourd'hui, il y a 30 joueurs. Quand je dis composer avec son effectif, c'est-à-dire que la Coupe d'Europe sera jouée par les minots. Il va falloir arriver à composer. Donc, je ne sais pas. Il voulait qu'un effectif réduit déjà à 25, il avait dit, je crois, ou 23. Oui, il voulait un effectif réduit, mais pour l'instant, l'effectif réduit, on n'y est même pas. Donc, il va falloir être intelligent. Il va falloir bien composer et tirer le maximum de son effectif. C'est pour ça que quand je vois Sankaré positionner, quand je vois par exemple Poyet mettre Sankaré devant alors qu'il est même pas sûr d'avoir d'autres attaquants. Est-ce que lui il en a pas marre aussi, l'entraîneur? L'entraîneur est aussi responsable de tout ce qui se dit. Il participe à tous les mercato, il est dans tous les échanges. Est-ce que tu es sûr que ça tête n'est pas coupée? Alors Daniel, s'il y a bien une chose... Moi, ça détienne Gassé, c'est à cause de Gassé, il voulait virer Gassé pour ça. Ah non, mais Daniel, il faut être honnête avec tout le monde. S'il y a bien une chose qui est sûre et certaine aujourd'hui à Bordeaux, personne, de l'entraîneur à la comptable, au gars qui passe le balai sur la pelouse du Haillan, je pense que personne n'est sûr de garder sa place. Que ce soit Poyet, Ramé, Martin, De Vessler... Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent se poser des questions. La télé qui va s'arrêter. Oui, Poyet peut-être aussi doit se poser des questions de dire est-ce que je serai là dans deux semaines De montrer qu'il est capable de gérer l'effectif qu'il a en sa possession avant de crier dans tous les sens qu'il y a autre chose. Après, si c'est pas bien, on va lui crier sur lui et c'est pas sa faute. Ah bah mais si, malheureusement c'est ben oui mais Daniel a raison, ça sera lui qui sautera si ça part en rip. Mais je suis désolé, si aujourd'hui si demain il a la moitié de l'équipe à dos, parce que dans un quand tu es dans une équipe tu as aussi de la sympathie pour certains joueurs, et quand tu considères que l'entraîneur traite injustement un camarade, tu vas à l'encontre de ton entraîneur. Moi, je suis désolé, mais quand il met ça en carré, en pointe, il envoie un message catastrophique à Depréville et Laborde. Quel que soit le niveau et la considération qu'on peut avoir de ces joueurs, ce sont à l'heure actuelle les seuls attaquants de pointe de l'effectif. Quand tu envoies ce message-là, pas encore. Quand tu envoies ce message à ton effectif, après, te plains pas qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des clans, que tu aies une partie du vestiaire à dos. Il doit, lui, son boulot, c'est de bien manager aujourd'hui son groupe. Pour moi, déjà, premier match de l'année, il est en train de se flinguer sa saison. Il peut pas avoir des joueurs en prêté sans achat. Si, mais un joueur prêté, le problème c'est que les clubs qui veulent prêter leurs joueurs, c'est généralement Oudam qui vient de dire qu'il y envoie à Naples. Non mais Ounas c'est sans Ounas on n'a pas Bordeaux. Mais pour avoir un joueur prêté, il faut déjà que le club ne souhaite pas le vendre, parce que généralement on obtient en prêt plutôt en fin de saison de joueurs qui sont et qui ont été essayés d'être vendus et qui n'ont pas été vendus. Donc il y a plusieurs transferts qui ont été abandonnés par les journaux de Bordeaux depuis le début de la saison. C'est la Coupe d'Europe qui m'inquiète, parce qu'il y a encore deux tours après celui-là. On enverra les coiffeurs et puis on passera ou ça passera pas, et on sera encore à la risée pendant un an de plus parce qu'on sera sorti contre une petite équipe, mais on va essayer de composer le mieux. C'est le rôle de l'entraîneur. Je suis supporter de Saint-Etienne, de Lyon et de vous, de Lyon, merde, de Saint-Etienne et de Bordeaux. J'aurais préféré que Saint-Etienne y va parce qu'ils ont l'équipe. Oui, après bon, c'est que le début, on verra aussi tous les joueurs sont restés. Debussy, Villa, Casrilla, tout le monde est là. Pour terminer, Daniel, parce qu'on a on a plein de gens derrière qui nous appellent également. J'espère qu'on va faire tous les deux une bonne saison. Ça serait bien de se retrouver. Moi, je veux une petite finale de coupe entre Bordeaux et Saint-Étienne. Ça m'irait bien. Les coupes, faut les oublier. Ils sont pour Paris. C'est vrai, à Lyon en plus. Faut les oublier. Les seules coupes qu'on peut les battre, c'est en Coupe de la Ligue, qu'on va comme il n'y a pas de prolongation, qu'on va jusqu'au tir au but et en coup de chance. Et sur un malentendu, tu peux taper arrêt. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne saison. Deux, hein. Merci. Ciao. Au revoir. On va continuer. Alors, vous êtes très. Ouais, vous êtes très nombreux. 4 auditeurs. Donc, je pense que c'est pas dit qu'on dépasse pas un petit peu en ce vendredi. Ça m'arrange pas, mais on passera peut-être un peu. Juste, il y a un petit, pour ceux qui vont nous appeler, aura l'antenne, il y a un petit jeu qu'on peut faire, c'est de nous citer votre équipe type des Girondins. Vous pouvez le faire aussi sur le chat. Sous l'ère M6, donc ça commence à partir de la saison 99, donc de l'équipe championne de France en 99. De suite, là, deux têtes. Donc vous pouvez faire, on la fera nous en fin d'émission. On va laisser les auditeurs parler en premier. Mais juste l'équipe a fait son équipe type. Ils ont mis Ramé dans les cages, Djemali à droite, Tremouinas à gauche, dans l'axe Planus Diawara, Diarra en 6, Fernando, Miku, Gourcuff au milieu de terrain, et devant Pauleta, Chamac. Voilà. Ça, c'est l'équipe type. Alors, selon c'est ce que l'équipe. J'aurais fait, mais j'aurais dégagé Chamac. On le fera tout à l'heure. En fait, c'est ouais, il écoute rien, lui, ce soir. Mais c'est bien, tu la feras tout à l'heure si tu veux, je te la reciterai. Oui. Voilà, donc ceux qui sur le chat qui veulent nous l'envoyer, vous me l'envoyez à Marc Géa en message privé et puis on parlera plus tout à l'heure, et les auditeurs qui nous appellent, on vous posera cette question là. Une précision pour le téléphone, parce que comme vous êtes nombreux à appeler ce soir, on n'a pas des moyens techniques de on n'est pas cher Talisimpson. On n'est pas RMC, on n'est pas RTL. Ça veut dire quoi ça? Moi je suis un moyen technique énorme. C'est Enzo, avec la meilleure secrétaire qui prend votre numéro, qui vous renvoie un message pour nous dire c'est bon, ou comme si vous nous écoutez pas, et si vous nous écoutez, voilà, attendez que les gens ne nous appelez pas quand vous entendez qu'il y a quelqu'un à l'antenne, parce que on peut pas en prendre deux en même temps. Ou si vous nous appelez, voilà, on prend votre numéro et puis on vous envoie un petit texto pour Jessica, la secrétaire, pour vous dire quand c'est. Donc là, je sais pas qui est le prochain sur la liste, mais s'il nous écoute, il peut nous appeler. C'est à Florian. Bah écoute Florian, si tu nous écoutes, tu peux. C'est à toi. La réaction de Nicolas de Taverneau, qui a déclaré à Sud-Ouest, Clément en parlait tout à l'heure, notre ami journaliste de 20 minutes. Il dit c'est un déchirement de vendre Bordeaux, surtout lorsqu'on a connu 19 saisons avec beaucoup d'émotions. Il a consacré la suite de sa prise de parole donc à expliquer la raison qui a motivé son choix. Il dit pourquoi on vend. Tout d'abord parce que le football n'est pas notre activité principale, il faut quand même pas l'oublier, à la base M6 c'est quand même un groupe de médias, et aujourd'hui il faut faire le plus d'investissements pour aller dans le top 4, voire le top 5. Nous avons trouvé des Américains qui sont prêts à investir dans le club et qui permettront de mieux lutter avec les 4 clubs au-dessus de nous, donc Monaco, Paris, Lyon, Marseille, qui depuis l'arrivée des Qataris ont un peu changé la donne du football français. C'est l'unique raison. Et enfin, Nicolas de Taverneau est revenu sur la confiance qu'il a progressivement accordée aux investisseurs de GAPC. Pour rassurer peut-être aussi un petit peu les supporters, il a dit voilà, au bout de 19 années, ce n'est pas facile de se séparer d'un club. On a mis beaucoup de temps, on a demandé des garanties au repreneur qui est un Américain et un professionnel et avec qui la compétence interne du club va, je l'espère, permettre au club de survivre et amplifier son développement. On enchaîne, Arsène, avec un auditeur au téléphone, Enzo. Florian, bonsoir. Salut. Florian. Salut tout le monde, vous allez bien? Merci Florian, et toi? Nous ça va. Bah déjà, dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour votre émission. C'est cool que ça continue, moi j'adore, j'aime bien vous suivre, donc continuez comme ça déjà. Ah bah merci à toi, c'est gentil, ça fait plaisir. C'est pas souvent. C'est putain, c'est vrai. C'est la première fois. Oh putain, oh je vais chialer. Merci. La secrétaire sexy comme merci. Ouais, tu vois, on a mis une secrétaire sexy, c'est pour ça, ça. T'es le pote de qui en fait? C'est ça la bonne question. Merci Florian, non, c'est gentil, ça fait plaisir. Alors cette année, je sais pas si t'as suivi un petit peu, on a fait un peu évoluer le concept, enfin évoluer. Ouais, on évolue, on a fait un petit peu changer, donc on verra ce que ça va donner. Vous nous direz si vous êtes content, pas content, si ça vous plaît ou pas. Alors Florian, comment tu speak English ou comment ça se passe? Speak English very well, but non, je suis vraiment pas confiant moi avec les Américains. Je suis assez jeune, hein, j'ai 26 ans. L'exemple le plus criant que j'ai des Américains, c'est Colony Capital, vous avez cité tout à l'heure, oui. À Paris. C'est pas faux, c'est assez dramatique. C'est ils ont failli couler un club mythique du football français. Derrière les annonces de 80 millions sur 3 ans, moi ça me rassure pas du tout. 80 millions aujourd'hui en Ligue 1, c'est rien. Si on compte la masse salariale, c'est que dalle. On s'est moqué des 200 millions de McCourt sur 4 ans à l'OM. Ça reste 200 voilà. millions, certes sur 4 ans, mais ça reste 200. Et à côté de ça, qu'est-ce que je vois? Aujourd'hui, on a failli recruter un Croate qui finalement préfère aller dans un club tout pété en Italie. Donc je vois que Bordeaux, ça ne plaît plus. Contrairement aux autres écuries de Ligue 1 qui recrutent des bons joueurs. Bon, on va pas parler de Paris, c'est un cas à part, mais Marseille, ils font venir Luis Gustavo, c'est quand même pas rien. Nous, on se fait recaler par des seconds choix derrière Brozovic en Coupe du Monde. Donc franchement, c'est pas sexy, on attire personne. Je suis franchement pas convaincu de cette affaire-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, j'ai donné mon sentiment, je l'ai déjà expliqué à mes collègues en antenne. Moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est l'impersonnifié. Paris, on sait qui a l'argent à Paris, on le sait, c'est Al Thani. Et qui délègue à Nasser. Monaco, c'est Ribolovlev, il délègue à Vassiliev. Bien sûr. Marseille, c'est Macourt, il délègue à Hérault. Lyon, c'est Aulas, il délègue à Aulas. Bon, là, il s'est auto-délégué lui-même, il fait tout. Ok. D'accord. Lille, bon, il y a Gérard Lopez, mais Gérard Lopez, c'est comme Dagrossa. Hein. Dagrossa, dites-vous que c'est en termes de fonction, je parle pas en termes de compétences parce que je connais l'une et l'autre, mais je parle en termes de fonction dans la hiérarchie du truc d'investissement, c'est Gérard Lopez. Le type est au même niveau. C'est-à-dire que c'est lui qui est un peu le filtre par qui tout passe. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a personne qui. À qui est le pognon? Ouais, et comme, non, et comme disait. Pas, que... C'est ça. Ça pue les montages à la sud-américaine. Pour faire simple, demain, Florian, je veux t'acheter ta voiture, hein, tu la vends 10 000 euros, d'accord? Je viens te voir, je te dis, écoute, Flo, bon, les 10 000, je les ai pas, mais j'ai 2 000, puis j'ai mon pote Enzo, il peut me prêter 3 000, j'ai mon pote Marc, il peut me prêter 3,25, il peut me prêter 2 000, et j'ai mon pote Rémi, il peut me prêter 3 000. Ah bon? Et à nous quatre, tu vois, j'ai les 10 000 pour acheter ta voiture. Je suis très d'accord avec toi. Après, tu vas me dire bingo, j'engage, ok. Et sauf que moi, quand je vais aller voir Enzo, il va me dire, ah, bah, finalement, les 2000, je les ai plus. Marc, il va me dire, merde, les 3000, j'en ai plus qu'un 1000. Et puis, Rémi va me dire, ah, bah, merde, les 2000 dans 2 mois. Et c'est là où Lille, a failli se faire avoir comme ça l'an dernier, quoi. Moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, là où je nuance mon propos, par contre, c'est que, ça fait des années que cette histoire de vente du club est sur la table et qu'il y a eu des propositions auparavant, on le sait, et elles ont été refusées parce que c'était pas sérieux. Donc là, j'ai l'espoir que ça a été accepté parce que M6 a jugé la proposition et surtout que ça ne mettait pas en péril le club. Donc j'ai cet espoir là, mais après je me dis aussi peut-être qu'ils en ont eu marre, ils ont voulu vendre ça à la va-vite parce que le board M6 foutait la pression sur De Taverneau, je sais pas. Mais voilà, j'ai ce petit espoir qu'ils soient quand même assurés derrière que que ce soit pas les Pipo et Molo qui se ramènent au club, quoi. Mais moi, tu vois, Flo, sur ce principe, moi, je suis exactement du même avis que toi. Je me dis que Nicolas Tavernos, ça fait quand même quelques années que le club, il aurait pu le vendre. Il a dû en recevoir des offres de Chinois qui devaient lui proposer de lui donner de l'argent propre à lui directement. Pouvait après un peu moins peut-être pour racheter le club, mais je suis persuadé que dans le fond, il a dû en avoir plein des offres comme ça. Et je me dis, s'il le vend à eux, c'est que forcément, il doit y avoir des garanties financières quand même derrière pour le club. Après, ça me fait quand même peur, mais j'ai quand même confiance en Nicolas Taverneau, quand même, qui nous a, malgré tout ce que les gens peuvent dire, il a quand même géré le club pendant, ouais, voilà, il a géré le club pendant quand même 19 ans, il a quand même emmené le club assez haut au niveau européen, on va dire, les années où on était au plus haut. Donc je me dis, je vois pas, enfin, je vois très mal quand même Nicolas Taverneau, comme ça, lâcher le club à des gens inconnus et incompétents qui peuvent que faire couler le club. Donc après, j'ai cet espoir-là aussi, mais je me souviens aussi que Michel Seydoux est sûrement pas un incompétent, et sûrement pas un impatient. Peut-être marre aussi après. Peut-être marre aussi. Donc. A cru laisser son club en de bonnes mains. Je pense que Michel Seydoux, c'est tout sauf un imbécile, surtout que ça soit en termes de business, en termes de football. Et on a vu malheureusement qu'on pouvait faire aussi des mauvais choix. Marco. Ouais, non, la chose moi qui m'inquiète, c'est mieux quand même de s'entendre un peu plus dans le micro. Ouais, ça doit être un peu plus clair pour nos auditeurs. Ce qui moi me fait un peu plus peur, c'est est-ce qu'il a vendu parce qu'il avait enfin trouvé la bonne personne, ou est-ce qu'il a vendu parce que il en avait marre en fait. Voilà, il en avait marre. N'oublions pas qu'il avait refusé Gérard Lopez avant que Lopez investisse. Oui, bien sûr, mais peut-être qu'il s'est dit qu'il avait un peu plus de temps, qu'il aurait plus d'offres, et que tu sais, à un moment quand tu, c'est un petit peu comme en soirée, tu sais. Il arrive en fin de fonction. Tu recales la première nana, pas assez jolie, la deuxième pas assez jolie, la troisième pas assez jolie, la quatrième tu te dis ouais. Et puis arrivé 6h du matin, la fille qui arrive, tu la prends. Et pourtant t'es plus très Et méfie-toi que elle est pas le même raisonnement, parce que ça se trouve elle, non, mais toi t'es le cinquième qui va l'avoir. C'est ça. Et ce que je veux dire, c'est premier. Et en plus quand tu fais un choix à 6h du matin, t'as plus les mêmes facultés de réflexion que quand tu les avais, oui, à 1h du matin. Rémi a raison, le cinquième ou le premier. Tu peux être le premier à 6h du matin. Donc arrive un moment, ça c'est un point qu'on ne saura jamais. Si on le saura, mais dans quelques mois. Il y a un critère qui est très intéressant, c'est 80 millions sur 3 ans. Sur 3 ans. On sait déjà que Bordeaux, là, depuis 4 ans, c'est 10 à 15 millions de déficit par an. Donc déjà, il y a cette problématique à régler d'entrée, c'est ne plus créer de déficit, puisque sur les 80 millions, ça va en 4 ans en enlever 45. C'est pas un gros calcul, hein, mais il en reste plus que 35 pour mettre dans les transferts. Donc vous voyez mieux qu'on arrête d'avoir un déficit perpétuel. La deuxième chose, c'est ok, on va investir, pas de souci. On peut investir intelligemment, on peut investir dans des stars. Mais c'est quoi le délire de... On veut faire quoi de Bordeaux? On veut... Pour moi, aujourd'hui, l'objectif de Dagrossa, c'est pas compliqué. C'est 5e place. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec M6. C'est ne pas perdre d'argent et ne pas trop en investir. Et quand j'en investirai, je vais vouloir récupérer mes gains. C'est-à-dire que quand M6 investit sur Malcolm, ils mettent le chèque... Mais ils récupèrent quand même une grosse somme à la fin. Quand ils investissent sur Gourcuff, souvenez-vous de Gourcuff, qu'on vend 22 millions, mais qu'au final, on prend pas beaucoup sur les 22 millions, parce que M6 a récupéré ses 13 millions d'options d'achat, plus les premiers millions, les 1, les calques qu'ils avaient mis dans le prêt. Donc sur les 22, ça fait 22 moins 15, on a récupéré 7. Et avec les 7, on a acheté Ben Kalfala. Donc... C'est là aussi où il va falloir que Bordeaux progresse et se construise un réseau. Aujourd'hui, j'espère que Dagrossa arriverait avec une équipe, puisqu'il a un directeur sportif avec lui. Il y a tout un tas de choses qui l'amènent avec lui. Mais on reste quand même sur une inconnue. On ne sait pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Donc on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est super intéressant ce que tu dis. Ouais, Flo. Et surtout, moi je voudrais aussi rajouter un truc. Tu parlais tout à l'heure de Ben Kalfala. Il y a eu une période où le club faisait que des transferts de merde. Mais vraiment, on s'est planté sur tous les coups quasiment. Ou presque. Hein. Mais là, je trouve que depuis quelques années, ils ont quand même redressé la barre. On va pas parler du cas Malcolm, c'est une évidence. Mais le Rager, c'est quand même pas mal. Ça partage les supporters, le Rager. Cyril serait là. Ça divise les supporters. C'est pas mal. Moi, Pablo, personnellement, je trouve que les 6 derniers mois qu'il nous a fait là à Bordeaux... Mais... c'est très propre. Sabali, on parle de 15 millions de ventes, parce que tout à l'heure, j'y ai pas pensé quand Seb nous parlait des 15 millions de ventes. Attention, sur les 15 millions de ventes, il y en a que 50% qui vont revenir au Girondins. Parce que Paris a remis le... Paris possède 50% de la revente de Sabali. Donc Sabali, c'est pas 15 millions dans les caisses du club, c'est 7,5. Donc c'est déjà plus le même calcul à prendre en compte. On passe de 15 à 7, ça fait 7,5 de moins à recruter. Je disais, Seb, que on a sur les 15 millions, on en touche que 50% pour Sabali. Ah bon ? Oui, parce que 50% appartient au PSG. Revente, autant pour moi je savais. Donc voilà, et c'est pour ça que le PSG avait refusé une offre à 8 millions au début du mercato. Donc parce que ça faisait que 4 millions pour eux. Donc il y a plein de, il va falloir être quand même plus juste, parce que tu me cites des réussites, Rambari c'est quand même pas top, Jovanovic c'est pas comme. Ouais, mais il y a plus de ratés que de réussites quand même. Sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années. Vous voulez que je vous fasse la liste des échecs? Attends, il ne faut pas confondre. J'aimerais qu'on dise aussi mercato, joueur qui vient de l'extérieur, et jeune formé qui n'a pas percé. C'est-à-dire que pour moi, on compte pas Jonas, que des recrues. Je ne parle pas des joueurs qui n'ont pas percé. Je parle de recrues. Je parle de Jovanovic, pas de Leschuk. Je parle de Préville. Leschuk, pour moi, c'est pas un échec. Mais bon, après. C'est pas une réussite. Non, mais on parle de gains financiers. On parle de gains financiers, de mecs qui vont te rapporter quelque chose. Aujourd'hui. Non, Leschuk, quand tu le prends, il a 30 ans. Évidemment que ça peut pas être une réussite. Donc, c'est pas une réussite dans le sens. Oui, mais le problème, c'est quand tu prends un mec à 30 ans, t'es sûr de jamais le revendre. Donc, les 3 ou 2 millions que t'investis, c'est 3 millions que tu sors. Quand tu prends un jeune à 2-3 millions, tu espères le vendre plus cher. Donc, il y a très peu de réussite. Arambari, c'est pas une réussite. Cabano, on verra. Sabali, c'est une réussite, mais je serais curieux quand même de savoir combien on l'a payé au PSG la première année. 8 millions. Donc au final, il va rapporter 0. 7 ou dans ce donc c'est ça, donc il va rapporter 0. Il y en a pas beaucoup des joueurs qui auront réellement eu une plus-value intéressante pour les Girondins de Bordeaux. Très très peu. Très peu. Donc, il va falloir que Bordeaux progresse beaucoup, beaucoup plus que ça. Et surtout, arrive à vendre ses joueurs. Parce que Malcolm, on le vend. Pour moi, on le vend très mal. Pas qu'on ne touche que 40 millions, parce qu'en soi, peut-être qu'on n'aurait jamais touché plus. Mais à aucun moment, on est allé le proposer. On a laissé son agent tout guider et on attendait que les offres arrivent. Il va falloir que Bordeaux monte un réseau de recrutement et d'agents qui permettent de vendre les joueurs. Quand aujourd'hui Bordeaux veut se débarrasser d'un joueur, on fait quand même appel à Camporo. On demande à Camporo d'aller vendre un joueur. C'est-à-dire le niveau que l'on est pour savoir vendre nos joueurs. On ne sait pas les proposer. Tous les clubs qui arrivent, on parle souvent, ils ont trouvé des pigeons. Mais oui, parce qu'ils ont fait la tournée de tous les clubs anglais pour savoir s'il allait avoir un pigeon. Si aujourd'hui tu vends quelque chose, tu sais, Bordeaux, c'est un peu ça. C'est je vends quelque chose, j'attends qu'on me le demande. Ben non, vends-le. Va démarcher, va vendre. Allez, c'est le bon point. Donc c'est, il va falloir Bordeaux progresse, il va falloir que Bordeaux se professionnalise, parce qu'aujourd'hui on a vraiment l'impression que chacune des étapes sont gérées à l'amateurisme. On a trois fois plus deux fois plus de personnes salariées au club que Lyon. J'ai pas l'impression que Lyon soit mal géré. Il y a eu une discussion totalement invraisemblable avec Julien B sur Twitter où on a appris que il y avait pas le droit que des gens revendent des sacs des Girondins de Bordeaux par exemple dans un carrefour ou autre s'il est à 10 km du stade parce qu'il y a une boutique. Mais c'est que c'est débile. C'est débile, non, il y a plein de parents qui ils prennent le sac là où il est dans le rayon, ils vont pas aller à la galerie des Girondins en prendre un spécifique. Il y a tout à revoir dans ce club, tout est à revoir. On a failli avec une chaîne alors qu'il y avait des moyens immenses. On a besoin qu'Envers contre tous, qui soit une association de supporters, diffuse un match, le club est pas capable de mettre une caméra et quelqu'un derrière. Il y a plein de choses comme ça. Là, je viens de voir la vidéo sur Twitter de l'arrivée de Malcolm au Barça. Alors, c'était comme à la Roma ou pas? Mais on parle nous la dernière fois qu'on avait dit on avait fait juste fini. La dernière fois on avait fait venir Roland. Ah là là, on l'a trop mis sur un piédestal, etc. Malcolm qui a rien prouvé, qui arrive au Barça, qui sera sûrement pas titulaire. Il y a une vidéo de quasiment 2 minutes sur son arrivée qui a été fait par le Barça. Ça c'est de la communication. Tu fais rêver les gens quand tu vois ça. Le supporter lambda qui est sur Twitter, qui connaît rien au foot, qui a juste entendu Malcolm c'est un futur crack, il voit la vidéo, il a envie d'aller acheter un maillot. Oui. Mais nous, ça, on sait pas faire. Juste une petite précision, puisque du coup, vu l'engouement qu'a provoqué cette première partie d'émission, on va faire jusqu'à 9h30, sur la vente du club. On avait prévu aussi de faire Malcolm et Van Pils. On se garde Van Pils dans l'avant-match, pour lundi. On se garde Malcolm et la partie mercato pour lundi également. Enzo fera le point aussi lundi sur le mercato GA qu'on a il y a plus longtemps. Oui, enfin, on va présenter sur... Enfin, bref, Enzo vous expliquera. Jusqu'à 9h30, c'est spécial. Breaking news, spécial revente. Florian, t'es toujours là ? Je suis toujours là. Parfait. Le 11. Quel 11 ? Ah oui, ton 11 sur les RM6. Ah oui, ton 11, sur les RM6. Est-ce que t'en as en tête ? J'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire de tête, allez. Ouais, de tête, allez. Carasso dans les cages. J'aime beaucoup Ramé, mais Carasso, moi, il m'a fait rêver. En défense, je peux pas mettre Diawara, je suis désolé. Ah, ça, c'est un bon choix. On est d'accord. Ça, c'est un très bon choix. En défense centrale, ouais, c'est difficile à dire. J'irais Enrique dans un premier temps et pourquoi pas Planus, malgré les dernières années que j'ai pas beaucoup aimé sur le plan sportif, on va dire. Côté gauche, Tremolina, évidemment. Côté droit, je dirais Chalmé pour ses meilleures années chez nous. C'est vrai que Chalmé a fait ses meilleures années, je trouve, à Bordeaux. Mais et pourtant, il fallait faire mieux qu'à Lille, parce qu'à Lille, il était déjà très bon. Après, milieu défensif, j'aurais dit Fernando. En milieu central, voire plutôt 10, Gourcuff, exceptionnel ces 2-3 années chez nous, là, sauf la fin, évidemment. À gauche, j'aurais dit Wendel, devant Paoletta, et à droite, c'est là que j'ai une interrogation. Faïd Ben Kalfala, bien sûr. Ouais, évidemment. Le gros Cafu. Le remplaçant de Yann Gourcuff pour les passes. Et ton coach, tiens, allez. Et mon coach, il y a eu l'Hip-Hop, il y a eu Ricardo, il y a eu Blanc, il y a eu je dirais quand même Blanc parce que j'ai vraiment rêvé sur triplés, la Ligue des Champions. Ouais. Quand on va taper, on sort de poule quand même, les gars, c'est quand même exceptionnel. On a une poule avec le Bayern et la Juve, on sort invaincu, premier de groupe quoi. On sort meilleure équipe d'Europe avec 16 buts marqués, 0 encaissé, je crois. Enfin, c'est magnifique là. Voilà, ça marche sur l'eau. Ouais. Ah voilà, c'est. Merci Florian, je suis désolé, on doit passer à la suite parce qu'il y a d'autres gens qui nous appellent derrière ce soir, c'est un peu le boxon, mais merci vraiment à toi. N'hésite pas à nous rappeler. Hein. Et ouais, rappelle-nous. Avec des compliments. C'est vrai qu'on t'entend pas souvent, Florian, tu te fais désirer. T'aimes bien. Je me fais désirer. Non, mais merci à toi vraiment. Allez, et puis. À bientôt, les gars. Merci. À bientôt. Ciao. Allez, on va enchaîner derrière avec. D'ailleurs, le podcast de l'émission de lundi est enfin disponible. Je suis désolé, j'ai eu une semaine de branque, j'ai pas eu une minute à moi, donc je l'ai fini en boîte, du coup. Je l'ai fait à la. Non, par contre, c'est quel joueur qui allait fêter en boîte son trophée là? Il y a un joueur français hein, qui est champion du monde, est à Miami et a le droit de fêter son titre de champion du monde, voilà, comme il le veut. Non, c'est Kip Mbé, je crois, qui est en train de le fêter. Ils ont tous. C'est pas compliqué. Il est entouré d'une. Désolé, ça va faire machiste, mais de Dallas. Il y en a les trois quarts qui sont habillés en tenue SM. Je dirais pas que je suis jaloux, mais ça fait beaucoup rire quand même. Marc, il est champion du monde. Mais il fait ce qu'il veut, non, mais il a le droit complet. Et au contraire, j'ai envie de lui dire, vu l'âge que t'as, mec, profite. Moi, ça me fait juste de la peine. Entre t'as les féministes d'un côté qui, par moment, je les trouve un peu trop dans l'exagération, et de l'autre côté, tu vois ça. Je te dis juste que le juste milieu, des fois, pourrait être pas mal, mais. Allez, on enchaîne après ce petit intermède de Twitter. Ou c'était quoi, Instagram ou t'as vu ça? C'est Twitter quand tu fais ton compte bientôt. Twitter. Allez, on enchaîne. Il y a du monde sur le chat ce soir, ça fait plaisir. Il y a des nouveaux, il y a des anciens. Tiens, je salue parce que je l'ai pas fait. Les anciens, Ochoa notamment. Salut à toi, l'ami. Alors après, si vous changez vos pseudos aussi, les gars, ça va être chaud. Chris 33, Pat, Seb du 33. Ouais, Archangel. Il y en a un que j'aime beaucoup, le pseudo. Il est où, Krusty Bat? Ah, il est. Par contre, je demande juste plagiat sur la personne qui s'est nommé Bobby. Mais non, c'est pas moi. On continue au téléphone. Bah tiens, on va avoir un deuxième Rémi dans l'émission. Salut Rémi. Enfin. L'Amérique. Alors Rémi, ça c'était préparé ça. Alors Rémi, je vais pas te mentir. Ah bah ça y est, c'est Florent sur le chat. Je vais pas te mentir Rémi, mais bon, là, je suis arrivé un peu tard à la radio. Je pensais faire un truc avec un espèce de montage avec genre tout ce qui contient l'Amérique, machin, tout ça. Bon, ceci dit, les gars, J'ai une idée de jingle pour Dagrosa. À chaque fois que Dagrosa dira un truc, il y aura un jingle Dagrosa. Je viens d'avoir une idée pendant l'émission. Un flash m'a traversé. La lumière apparu. La lumière a jailli. Si je le trouve sur YouTube, l'extrait, ça va être un grand moment d'émotion. Ah ben, je vais pas te le dire. Ça sera secret. Mais si vous nous aimez une série avec des chevaliers autour d'une table ronde, ça vous fera rigoler. Camelot. Ouais. Ah, j'ai une réplique qui m'est venue pour ceux qui connaissent. Quand Léo Dagan prend le pouvoir. Ça... Vas-y, dis-la la réplique. Ah, je sais pas, je le connais pas. Oh, je crois que je l'ai sur ma petite appli Camelot. Je vais te écouter peut-être en exclusivité à la fin de l'émission. Tu as 25 minutes de câble qu'il faut pour je l'ai, t'inquiète, il est là, Roger, regarde. Hop, il est là, branché. Alors, excuse-nous, Florian, pour ces petites discussions. Attends, strictement on a Florian au téléphone ? Non, Rémi, oh là. Parce que déjà, j'ai fait, on a deux Florian à la suite, quand même, c'est. Tu veux pas nous faire un petit compliment histoire de nous mettre en joie pour ce début de saison ? Excuse-moi, Rémi, je suis un peu. C'est la fin de semaine, je suis un petit peu. Donc Rémi, ton sentiment. Il y a plein de news quoi. Ton sentiment sur ce qui se passe. Bah moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire welcome. Putain, il est magique. Il est magique. Voilà. Et j'ai envie de dérouler le raid tapis aux Américains. Oh putain, il est magique, toi. Et puis voilà, non, il faut, enfin, je sais pas. Tu n'as pas peur que, en fait, le problème, c'est qu'on est quand même dans l'inconnu. La saison qu'on a là va quand même driver les prochaines saisons. J'essaie de m'expliquer. Driver, ouais. Dans ouais, le sens. On dit driver, hein, on dit plus mener maintenant. Non, là, maintenant, on se met à jour. Là, on fait un upgrade à l'américaine. Super, très bon ce soir. Il est bon, ouais. Ah, très très bon. Non, dans le sens où si jamais on termine, je vais dire une connerie. On fait un petit topo briefing après l'émission. Voilà, on fait un icebreaker en fin d'émission et. I agree. I have a dream. Non, c'est que ce qui pourrait se passer, c'est que Bordeaux finisse par exemple 12e, avec un mercato raté, avec une saison pas préparée, avec encore un coach qui saute à la mi-saison, et finir 2e, loin des Coupes d'Europe, loin d'un budget prévisionnel cadré en début, et terminer la saison avec un déficit de 15 à 20 millions. Enfin, je sais pas, t'es pas américain dans ta tête. Enfin, je veux dire. On est là pour réaliser notre rêve, tu vois. Aux États-Unis. Ouais, non mais moi, là, je préfère rester réaliste et voir ce qui se passe pour l'instant. Mec, Bordeaux grit again. Dagrosa est là et voilà. Moi, c'est ça que je pense, tu vois. C'est qu'on peut faire des calculs, des comptes, des trucs. Mais non, maintenant les Ricains sont là. Non mais les Ricains auront la main sur le club à partir de septembre. Donc tout le mercato actuel, ils ont pas vraiment la main, du moins financièrement. Si le mercato est raté et que la saison derrière est ratée, l'investissement l'année prochaine sera pas le même que si on est par exemple cinquième et encore qualifié pour une Coupe d'Europe. Je suis bien d'accord avec toi. Juste avant de te répondre, je me demandais comment tu fais pour avoir trois nanas en boîte, parce que j'y arrive pas. Tout à l'heure tu expliquais, je sais pas, t'es une méthode. Peut-être il faudrait que tu expliques. Donne des cours sur YouTube. Peut-être beaucoup de. Mais tu. Vas sur Marc l'américaine, c'est-à-dire que tu dis à la première que tu vas lui donner 1000 euros. À la deuxième, tu lui dis que tu vas lui donner 2000 euros parce qu'un pote va te prêter 2000 euros. À la troisième. Plus sérieusement, c'était quoi ta question ? D'accord. Non, je te disais, si jamais Bordeaux n'est pas européen, est-ce que tu penses pas que ça risque d'avoir des incidences sur l'investissement de la saison prochaine? On risque pas d'avoir la même chose. Enfin, on parle que de 70 millions sur 3 ans, c'est rien, quoi. J'ose espérer que c'est un truc que M6 et l'acheteur ont intégré, en fait. Et je pense que M6 était, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, c'était quand même un club, entre guillemets, familial et entre guillemets, qui avait des valeurs à ce niveau-là. Et donc, je peux pas le garantir, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont tenu à faire... elle a joué plus Brazers que Jackie et Michel. Alors ça, belle référence. Quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas les références, mais on les donnera pas parce qu'on n'est pas à une heure. Allez vous renseigner sur internet, vous comprendrez très rapidement. Vous comprendrez très rapidement. Mais oui, j'ai vu passer ça tout à l'heure sur le chat. Ça m'a fait rire. Voilà, donc, je pense que. Enfin, j'ose espérer, mais après, c'est plus. Plus un pari qu'autre chose que le. Enfin, la suite avec la suite pour Bordeaux, c'est quand même quelque chose de bien, et que M6 ça aurait pu continuer, mais M6 d'une part on est quand même, il faut le reconnaître, dans un championnat où c'est le plus gros budget qui gagne. C'est pas malheureusement il n'y a pas de mystère, hein. Paris, Monaco, Marseille, Lyon, c'est les quatre premiers, voilà, il n'y a pas de, alors de temps en temps il y a une mini surprise, t'as un Nice, Rennes, qui peuvent un peu voilà venir un peu chatouiller, mais ça dure, voilà, c'est au final, il y a, comme tu dis Rémi, il n'y a pas de mystère. Aujourd'hui, malheureusement, regardez, hein, en Espagne, qui est premier, bah, c'est le Barça, l'Atlético et le Real. En Angleterre, hormis le miracle Leicester, c'est toujours les quatre mêmes. Et Tottenham qui vient chatouiller de temps en temps pour. En Allemagne, c'est le Bayern. Et en Allemagne, c'est le Bayern avec 25 points d'avance constamment sur Dortmund. Que Bayern. Voilà, et l'Italie, c'est pareil, voilà, c'est Naples, c'est la Roma, c'est la Juve. Voilà, le foot, ça devient de plus en plus comme ça. Il y a de moins en moins de surprises, et ce fonds d'investissement qui arrive. Alors après, je sais pas si c'est des requins, c'est pas. Mais en tout cas, ça peut être un bel espoir pour recoller, parce que avec M6, d'une part, le budget était un petit peu en deçà des autres, et puis on a vu aussi que quand il y avait des possibilités de faire des coups, M6 s'est pas trop engagé, ça restait quand même une gestion un petit peu de bon père de famille, et je pense que je sais pas ce qui va se passer avec ces Américains là, mais je pense que la gestion à la papa là, à mon avis, la gestion à la papa, c'est terminé. C'est fini, voilà, c'est l'Est américaine. À mon avis, c'est. Je pense qu'il y a certains au club à qui ça va faire bizarre, hein, sans vouloir être désagréable avec certains. Ouais, alors justement, par rapport à ça, par rapport au, comment dire, à la personne que vous avez interviewée, je crois le journaliste de 20 minutes. Oui. Et j'avais l'impression qu'il nous parlait de personnes qui faisaient leur carton, etc. Et j'étais un petit peu surpris, parce qu'il y a quand même un droit du travail en France. Donc, licenciement. Quand ils disaient ils vont virer tout le monde, etc., c'est pas si facile. Non, mais après ça va pas se faire du jour au lendemain. Le mec va pas arriver et dire demain vous êtes viré, tu vois. Ça, ouais, c'est pas dans les films où il paraît son petit carton. Après Rémi, peut comparer ça, je sais pas moi si. J'ai trouvé ça un petit peu populiste, hein, si vous me le permettez. Oui, mais Rémi, tu sais, on peut comparer ça à la reprise. Enfin, le football, un club de football est une entreprise, une association bien sportive, sûr, mais une entreprise. Oui, et quand une entreprise se fait racheter. En 2018. Voilà. Et quand une entreprise se fait racheter, des fois dans une entreprise, le nouveau patron qui arrive, il veut mettre ses hommes en place, il veut mettre ce qui est normal. Je veux dire, si nous, les gars, nous quatre, ou toi, Rémi, demain tu rachètes une boîte, tu vas peut-être mettre des hommes en qui t'as confiance plutôt que des hommes que tu connais pas. Tout tu le monde. Tu vas peut-être avoir certains services, ce service-là, il me sert plus, ça dégage, tu vois. Voilà. Je suis bien d'accord, mais que des gars qui touchent 20K par mois, comme Ramé, moi je les pleurerais pas, parce qu'ils vont peut-être trouver du boulot ailleurs, et tu vois, ou je sais pas, de Vessler, ou je sais pas, c'est des gros salaires, et s'ils bossent pas pendant un an, je les pleurerais pas. Je pense que des garçons comme de Vessler ou Ulrich Ramé ont vraiment du souci à se faire. Moi, je pense que c'est vraiment fini, mais je pense même. Je sais pas, moi j'en sais rien, je veux dire qu'au niveau du monde du travail, peut-être ils auront des petits parachutes, etc. Et que après, voilà, mais je pense à l'intendant, je pense au. Et, après, attention, et les Américains sont eux, pas bêtes. Ça sera pas non plus. Mais je crois que les Américains, ils débarquent pas, et que c'est pas des oufs, et qu'ils vont essayer de rester humains, voilà. Ils vont essayer de la jouer à la française, et qu'ils vont se renseigner. Et puis faut pas froisser les supporters non plus. Enfin, je veux dire, voilà, il faut pas se mettre à dos les supporters dès que t'arrives, quoi. Bah ouais, c'est sûr, parce que les supporters, c'est quand même un pouvoir. Moi je pense que les Ricains ils arrivent pas comme ça sans bon. Savoir, et je pense que M6 les aura quand même un peu briefés, ou ce sera quand même un petit peu enseigné, en tout cas je l'espère, parce que je suis pas sûr, mais moi j'ai envie de voir de l'espoir quand même dans cette reprise, et puis j'ai envie de voir, et puis il y a quand même cette histoire de 80 millions, alors après on sait pas, et puis on sait pas si dans les 80 millions il y a le cash de Malcolm ou le cash de votre ventre, parce que c'est 80 millions que eux amènent eux-mêmes, en dehors de tout transfert, de tout, voilà, c'est 80 millions, ils les amènent, c'est dans leur poche, et voilà. Mais après, dans la vente, est-ce que M6 va vendre 40 millions de plus ou moins, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un petit peu flou. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est, peut-être pour vous, mais à mon avis... Comme Malcolm vaut la moitié du club, c'est plus ou moins intégré, mais voilà, je pense que c'était quand même un truc ultra stratégique, et c'est peut-être un truc qui a débloqué la vente, comme je vous l'avais dit, hein, sans doute, tout à l'heure, mais en tout cas... voilà, 80 millions, ça paraît pas énorme, mais ce dont je me souviens, c'est que quand Paris avait des budgets supérieurs à nous, Marseille avait des budgets supérieurs à nous, il y a 10 ans, on leur mettait quand même des bonnes déculottées, parce que au niveau du club, il y a quand même cette tranquillité, cette... je sais pas si vous vous souvenez, mais on leur a mis des bonnes piles quand même à Paris, à Marseille, des Trippier, de Wendel, je vais pas tout vous rappeler, mais 80 millions, ça peut peut-être nous permettre de passer à un échelon supérieur. Donc tapis raide aux Américains. Hein. Hein, écoute, on verra bien. On verra bien. De toute façon, malheureusement, je vais te dire, à part subir et pas avoir le choix, on n'aura pas grand chose. Merci beaucoup, Rémi. Je suis désolé, on a quelqu'un d'autre derrière qui donne. Le 11, hein, donc. Le 11, ah oui, pardon, ton 11 de la, de on va dire des 20 ans de M6. De l'ère M6. Ton 11 type de l'ère M6, de 1999-2000 à aujourd'hui. Ouais, non, alors. 98-99. Non, 98-99, c'est l'année où on est champion et c'était pas M6. C'est vrai ? Non, c'est juste après qu'ils sont venus. Du coup, Ramé ? Ramé ou Carasso ? Ramé dans les buts. Et je pense qu'il faut limite le garder en directeur sportif, parce qu'il est trop. Il faut préserver. Tapis rouge aussi, quoi. Et puis ensuite je mets en défenseur droit Mariano, en défenseur gauche en défenseur central, excuse-moi, Planus et Henrique, parce que c'était l'âme du club. En défenseur gauche Tremolinas, en milieu axio je mets Smertin et Fernando, parce que Fernando il était assez ouf, et je comprends pas pourquoi il est resté à Bordeaux. En milieu offensif je mets Gourcuff et Wendel, et en attaque je mets Paoletta et je mets Chamac. Pas mal, et je pense que ma compo est de la gueule. Merci. Vas-y. J'aurai une info après passer. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi, Rémi. Merci à toi. Et puis, écoute, t'es le bienvenu. Hein. Bon, tu le sais, évidemment. Mais, avec des compliments, s'il te plaît. Pour cette nouvelle saison, on t'attend avec plaisir. Comme tu veux, il n'y a pas de souci. You're welcome, guys. Bye. Have a good night. You're so cute, babe. Okay, take care. Merci, okay, Rémi. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Kiss. Bye bye. Ciao. Alors, juste on va enchaîner, sur Journal 33, petit article pour un peu décrire le gap qui s'entourerait de divers conseillers. On a le donc. Gap. Ouais, j'ai Gap Olympique. Ouais, Gap, je sais pas comment tu prononces avec le C, GACP, voilà. Ouais, l'Erica, voilà. La semaine dernière, l'agent Hugo Varela et l'ex-directeur sportif de Retafe, Tony Munoz, avaient été cités comme faisant partie du projet de rachat des Girondins de Bordeaux par le fonds d'investissement américain, General American Capital Partners. Yeah. Aujourd'hui, le journal L'Équipe, dans ses infos sur ce dossier, donne d'autres noms de conseillers. Donc, un entourage en ferait partie, Yann Ayer, alors je sais pas, Ayer, je sais pas comment ça se prononce, ancien directeur général de Liverpool, Jesualdo Ferreira, ancien coach de Porto, Eduardo Macha Martinez, actuel responsable de recrutement de Leicester, ou encore Miguel Pardeza, ex-directeur sportif du Real Madrid. Donc aussi le GAPC d'Erica cherche à convaincre d'autres investisseurs et serait soutenu par Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État chargé de sport, oui. Également proche de M6. On a des gros noms. Hein. Voilà, dégage de crédibilité pour le projet. Oui, dégage en deux mots. Hein. Oui, dégage. Non, pas dégage. Pas dégage privé. Dégage en deux mots. Dégage plus loin. De crédibilité, donc, pour le projet présenté comme l'avenir possible du FCGB. Donc, point d'interrogation. C'est une question qu'on vous pose pour notre auditeur qu'on a au téléphone, oui. Dont le nom est. Dont le prénom est. Non, c'est pas Aurélien. Salut Aurélien. Bonsoir Aurélien. Est-ce que cet entourage que je viens de décrire, rapporté par le journal L'Équipe, te rassure un petit peu sur ce que les Américains souhaitent faire à Bordeaux ou pas trop? Absolument pas. Donc d'entendre Real de Madrid, Leicester, Liverpool, dans Porto, dans la même phrase. Ce sont que des conseillers. Donc eux vont peut-être vont dire on a des réseaux pour avoir des joueurs, pour faire des choses, pourquoi pas avoir des prêts. Ce qui manque à Bordeaux déjà. Voilà, pour avoir des prêts avec des joueurs du Real, de Liverpool, etc. Peut-être. Mais après, faut surtout pas oublier que c'est un fonds d'investissement qui investit, enfin, qui va investir dans Bordeaux, si cela s'est fait, disons, d'ici deux mois, pour pouvoir par la suite gagner de l'argent tous les ans et par la suite revendre le club avec une plus-value. Donc on sait tous, on se rappelle tous de Colonie Capitale, on sait ce qu'a fait Lille et tout. Donc moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que là, le mercato, bon, on va être niqué, donc il faut arrêter, voilà. D'ici deux mois, et encore, on ne sait pas si le club sera vendu ou pas, parce que là, on pensait tous que De Taverneau allait dire bah, le club est vendu, alors non. Et tous, des mois et des mois de tractation, juste pour dire, finalement, M. Dagrossa est le seul avec qui nous discutons pour la vente du club. Ce qu'on savait à peu près tous. Ben oui, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'histoire de la fille en boîte. Hein. On ne sait pas trop en fait si on est parti à 5h du matin avec la plus jolie de toutes celles qu'on avait croisées avant ou si on est parti avec la seule qui voulait venir. Quoi. Mais voilà, surtout que, comme vous avez dit tout à l'heure, on avait eu d'autres offres qui auraient été peut-être un peu plus avantageuses, mais le fait qu'on n'ait pas le stade à nous, qui a un loyer assez important de 3,8 millions par an, bloque, je suis certain, voilà, bloque certaines choses. Après, moi, je voulais voir un truc avec vous, c'est que on a vu dès la fin de la saison une belle augmentation des abonnements, une belle augmentation aussi du nouveau maillot, qui est même plus cher que les maillots du Real, du Bayern et tout. Je crois que d'ici un an ou deux, on va arriver à 100 euros le maillot. C'est quand même incroyable. 500 euros, ça va. Le Real, c'est 140, je crois. Ouais, je suis pas forcément hyper d'accord sur ça. Je me suis acheté récemment le maillot d'Atletico et Griezmann. Je t'assure que je l'ai payé vraiment cher. Oui, avec le flocage. Mais là, le maillot nu de Bordeaux, c'est 90 euros. Non, c'est faux. Si. Non, si c'est sur le site, sur le taille des Girondins, c'est 90 euros. Pourtant, je l'ai encore acheté. Je l'ai acheté il y a 4 jours le maillot. Il y a 4 jours, t'étais pas américain. J'ai eu des remises, bien sûr, mais il était à 80. Après, ça dépend. Oui, bon, parce que à savoir que aussi sur le site des Girondins, parce que quand j'ai travaillé en boutique, il y a le maillot ordinaire que pour les supporters, il y a aussi le maillot qui est édition spéciale. Le réplique que les joueurs portent aussi, ce qui est quand même plus cher et qui est pas la même qualité. Après les enfants, il faut aussi pas perdre de vue une chose, parce qu'on s'emballe, mais quand même, il va se passer deux mois là, pendant lesquels. Deux mois qu'on perd. NDT va. Il faut pas oublier une chose. Techniquement, c'est pas de moi. Hein, les Américains, pour ceux qui s'intéressent parmi vous au sport US et à la culture du sport US, c'est du business. Excuse-moi, j'ai oublié Adrien. Non. Non, Aurélien. C'est Aurélien. Adrien, c'est le jeune qui est chez nous. Je veux dire, si tu t'intéresses au sport US, La culture supporter aux États-Unis est à des milliards d'années-lumière de la culture supporter en France. Donc ces gens-là qui viennent avec leur culture américaine, il va bien falloir qu'ils comprennent, et ça, pour le coup, c'est peut-être la seule chose qu'ils pourront pas nous imposer, c'est qu'ils ne pourront pas faire en France, et a fortiori à Bordeaux, ce qui se fait aux États-Unis. Parce que déjà, financièrement, ben on n'est pas les ricains, d'accord ? On n'est pas passionné comme les ricains, parce qu'on a beau dire les ricains, mais le mec qui est passionné des Lakers ou des machins, il est prêt à mettre 500 balles par week-end dans les Lakers. Il n'y a pas forcément que les Américains, on peut voir les Anglais. Oui, oui, oui. Les abonnés à Arsenal. Oui, mais les Anglais, dans le côté support, enfin, à la limite plus les Espagnols ou les Italiens, tu vois, dans le côté ferveur, dans le côté machin, aux États-Unis, même s'il y a des mondes dans les stades de basket, enfin, c'est quand même assez. C'est pas des supporters, c'est des spectateurs, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, il y a pas l'ambiance qu'on peut avoir dans le stade à l'européenne. Voilà, avec les tabours, les drapeaux, les ultras, les machins, les trucs. Donc il va falloir qu'ils intègrent aussi cette notion de dire, oh là, les gars, c'est pas les États-Unis, c'est la France avec une culture supporter bien à elle, qui est ce qu'elle est, on l'aime ou on l'aime pas, voilà. Mais elle est ce qu'elle est, ils pourront pas. Dire bah allez, les maillots maintenant c'est 200 balles, les places c'est 400 balles. Ils pourront le faire, ils auront le droit de le faire, c'est eux les propriétaires. S'ils veulent mettre demain les plages au virage sud à 400 euros, ils pourront le faire, c'est leur stade. Et je ferai la gueule. Mais dans ce cas-là, je boycotte. Non, mais je veux dire, bah, dans ce cas-là, bah, moi je pourrais plus y aller. Mais non plus personne. Voilà. Mais après, ils ont quand même fait un business plan, ils ont tout préparé à l'avance. Je pense quand même pas que. Mais ils ont réfléchi quand même. Mais une chose, les enfants, hein. si les 3 ou 5 000 fidèles du virage sud qu'il y a à chaque match, ils peuvent pas se payer un abonnement à 400 balles, le stade il sera vide. Il n'y a plus rien. Il n'y aura plus personne. Voilà. C'est ça que nous, par rapport aux États-Unis, on n'a pas. Vous imaginez, les États-Unis, comme Los Angeles, ils sont 20 millions. Mais ils sont pas venus les mains dans les poches. Il faut aussi quand même voir que le but. C'est de faire de l'argent, c'est pas de vider ton stade. Si tu vides ton stade, tu fais pas d'argent. Par contre, c'est tout ce qui va être autour du stade qu'il faut travailler. C'est une garde d'enfants. C'est quand même un scandale. Ah ouais. Aujourd'hui, j'ai jamais compris qu'il n'y ait pas une crèche ou une garderie dans un stade. Sérieux, en Allemagne, à Munich. Mais ça rapporterait de l'argent. À Munich. Je l'ai vu à l'arène. On risque peut-être de faire payer. On risque peut-être de faire. Le parking risque peut-être de devenir payant. Ça, c'est pas impossible. Le parking n'appartient pas au stade. Le parking, il appartient au parc des expos, alors, monsieur. Non, le parking alors, je t'explique, quand tu vas voir un concert au stade, le parking, il est payant. Donc, le parking, il est loué ou sous-loué, il y a peut-être autre chose, mais le parking appartient à la personne qui exploite le stade. C'est comme disait Clément tout à l'heure, c'était en rapport avec la ville, c'est la ville. Le parking, il appartient à la ville, et après, c'est la ville qui le loue pendant les concerts. C'est ça, et vu que la ville, techniquement, gère le stade, ben, dans le fond, la ville. Non, c'est pas la ville qui gère le stade. Non, mais oui, il paye quand même un salaire à Faya et autres. Non, c'est Bordeaux qui paye. Non, il n'y a pas de salaire. Mais les Girondins. Et la ville qui a payé. Non, la ville a payé, mais aucun loyer. Oui, mais ils doivent avoir les services du quand même du. Je sais pas comment ça se passe, mais il y a des axes de travail sur lesquels ils vont pouvoir travailler plutôt que de venir se dire peut-être les sandwichs de meilleure qualité, peut-être plus cher, peut-être des formules, peut-être des abonnements. Moi, je trouve ça scandaleux. Moi, j'achète rien au stade parce que je trouve ça trop cher. Mais à chaque fois, je dépense un McDo, une connerie avant de venir au stade. Si j'avais un produit de meilleure qualité au stade et qu'on me proposait dans mon abonnement de payer, j'ai une connerie, 10 euros ou 15 euros tous les mois pour avoir ma ration au stade de prévu tous les jours, ben je ferai ça autrement. Le principe, on a dans tous les festoches, tu peux recharger une carte pour payer, pour pas avoir à te trimballer avec ton liquide, etc. Ça, ce sont des choses à travailler pour générer de l'argent. C'est là où tu vois que le club est dans l'amateurisme le plus total. Donc, ce genre de choses doit être travaillé. Et c'est là-dessus et pas forcément sur le prix du billet que tu vas jouer. Maintenant, à voir ce que ça va donner sur la durée, comment ils vont planifier leur business model. Aujourd'hui, on sait dans tous les cas qu'ils vont faire du chiffre. Donc, De toute façon, c'est indiqué qu'ils veulent augmenter significativement le merchandising des Girondins et la billetterie. Donc, un des premiers axes quand même qu'il va falloir voir, c'est que le stade de Bordeaux, à part pour le QSG, pour les sardines, où il est plein, sinon, il n'est même pas plein. Tu peux le retirer, s'il te plaît. Il n'est jamais plein. Donc, ça va être les premiers travaux qu'il va falloir faire, c'est dire pourquoi le stade n'est quasiment jamais plein, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit plein. Et pour ça, ils sont très... Alors, attention, les enfants, ça veut dire aussi qu'il va peut-être y avoir... Alors, ils l'ont pas fait à Marseille, hein. Je pense pas. Il faut pas croire non plus que ça va être la révolution. Il va pas y avoir, je pense, des pop-up girls avec la patronne de France. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça va pas être, non. Je pense pas que ça va être non plus la révolution totale. Mais ils vont peut-être amener une certaine vision qu'on n'a pas en Europe, qui plus est en France, et encore moins à Bordeaux, qui sera peut-être un peu, voilà, un peu différente. Mais ne vous inquiétez pas. Ils feront comme a fait McCourt à l'OM. Ils mettront un homme français. Comme a fait McCourt. McCourt, il a mis Héros, qui est un Français. Voilà, ben oui, ils vont mettre. Ouais, ils vont mettre du cru. Et quoi. Peut-être qu'ils mettront quelqu'un même de Bordeaux, que je sais pas, voilà. Ah, mais. Et je pense pas qu'ils vont venir que des ricains entre ricains, avec leurs gros sabots, leurs casques, avec leurs propres supporters. Non, mais oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, là, faut pas non plus avoir l'image du gars qui arrive en humeur, qui roule sur la pelouse du Haillan avec son caca qui pollue, qui tire sur tout ce qui bouge dès qu'il y a un lapin qui passe sur un terrain, tu vois ce que je veux dire. Il va trop loin. Par contre, j'ai une question. Ça pourrait être marrant, ça, oui. Bon, là on est toujours, on a attendu deux mois pour savoir si finalement c'est Juppé qui donnera son accord et tout, etc. Quasiment, bon. Mais Juppé va négocier avec Trump apparemment. Ouais. Ouais, direct. Ouais, bah, après Macron va renégocier par-dessus. On a aucune chance, avec Trump personne ne peut négocier, à part Poutine. Mais mais j'espère qu'il ne nous écoute pas, sinon je suis mal. Mais c'est parce que c'est le seul qui peut tirer en premier surtout. Voilà. Mais finalement, il se passerait quoi si on ne peut recruter personne, puisque M6, je les vois pas dire allez, c'est bon, c'est quasiment vendu, on met quand même quelques millions et tout. Je les vois pas faire ça, à moins que les Américains disent il nous faut quand même quelques joueurs, etc. Mais imaginons, je n'espère pas, mais imaginons, on ne peut recruter personne. On se fait éliminer de la Ligue Europa. Ça a déjà arrivé, j'espère pas. On fait un très mauvais début de championnat. On est dans les 15e, même en dessous. Est-ce qu'à un moment finalement les Américains on fera notre 5e saison de merde d'affilée. Mais est-ce que les Américains finalement vont pas dire nous on n'a rien signé et tout. Là, vous êtes plus en Coupe d'Europe, en championnat c'est mal barré. On discute encore toujours et tout, mais bon, le prix du loyer du stade, vous voulez pas le baisser. Bon, nous on se casse. Après, c'est possible. Après Aurélien, moi, enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être, c'est juste que je me suis imaginé. Mais est-ce que le fait aussi, même si je pense, enfin, j'y crois pas tellement. Est-ce que le fait aussi que de Taverneau reste au club pendant les deux mois, même si, bon, après, c'est aussi les négociations qui ont poussé. Est-ce que c'est pas aussi une volonté que ce soit d'Agrossa ou de Taverneau? Du fait que, comme ça, Taverneau, comme ça, peut lui montrer un peu tout ce qui se passe au niveau des Girondins, tout ce qui se passe au niveau du foot aussi, au niveau du mercato. Oui. Et après aussi, c'est quelque chose que j'ai pensé, c'est sûrement faux aussi. C'est de Taverneau qui peut aussi gérer le mercato avec, les fonds de GACP, tout en laissant libre accès à Dagrossa et à GACP. De gérer toute la partie qui est marketing, toute la partie qui va être au niveau du stade et au niveau de tout l'ensemble du club hors sportif. C'est possible. C'est vrai que là, le fait que Taverneau reste encore pendant les deux mois, c'est quand même un gage de sûreté, voilà. Quand même. On se dit quand même que ça va pas mal partir en cacahuète en deux mois, ça partira pas voilà, en cacahuète. C'est quand même quelqu'un qui va, enfin, on a l'impression qu'il va l'amener à son poste. Mais le gros problème, quand même, c'est comment c'est possible que depuis l'année dernière, donc je crois c'est depuis février, je crois, un truc comme ça, qu'il a commencé. Des transactions à peu près, ouais. Que ça a commencé en décembre dernier. Oui, décembre, puisque on devait prendre, enfin Bordeaux devait prendre Prud'homme. Était d'accord et finalement les Américains eux préféraient Poyet, et c'est même pour ça qu'il est venu. Mais même là, le cas Poyet, le mec est capable de mettre son carré en neuf, complètement fou, mais ça a marché, on a gagné. Mais qui nous dit que d'ici un mois, pas de recrue, Poyet il dit vous savez quoi, attendez, pas de recrue, rien du tout, vous me faites chier, moi je me casse. Aurélien, ça peut même être carrément, qui vous dit que d'ici deux semaines Poyet il saute, hein? Ah ben bien sûr. Et tu sais quoi, je crois que si Poyet faisait ça, le club serait content. Si Poyet se barre, il doit avoir une belle cloche, je pense. Ah mais non, mais s'il se barre, justement, il touche rien. Donc s'il démissionne, tu prends qui à la place en vitesse, tu prends qui à la place? Franchement, moi je suis d'Agrossa, mais j'ai déjà tout préparé. En théorie, c'est des gens quand même un minimum sérieux, je pense que j'ai tout préparé. Ça dure trop. Là, ça dure trop. C'est vraiment qu'on était vendu. Là, non. Et peut-être que préparer dans la continuité, peut-être qu'ils veulent aussi dire, écoutez, voilà, il y a juste un changement de propriétaire, comme quand tu rachètes une boutique, un restaurant. Si ça marche bien, tu changes juste le nom sur le papier. Tu vois ce que je veux dire? Tu changes pas la déco, tu changes pas les menus, tu changes pas les plats. voilà, ça tourne, tu dis on laisse comme mais ça. Mais le club tourne pas, le problème c'est ça. Enfin, c'est pas non plus une épave, faut pas non plus. Bah, je suis désolé, c'est pas là, pour va, un club, c'est un club qui a pas terminé réellement qualifié en Coupe européenne, dont je parle de la cinquième place depuis un bail. En gros, depuis, faut quand même remonter à Gillo, qui avait un groupe plus que catastrophique. Non, on a fait contre Liverpool avec Sagnol, on était en Ligue dans l'Europa League contre Liverpool. Oui, mais dans tu le te qualifies stade. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? On a fait la l'Europa League. Je sais bien, mais tu t'es qualifié comment en Coupe d'Europe? Parce que t'as eu Paris qui a tout gagné. Donc. Ouais, mais ça fait partie du jeu. Mais j'ai pas. C'est pas un souci. Mais ça fait quand même très longtemps que Bordeaux a pas été cinquième. Cinquième, c'est être dans le premier quart de ton championnat. Ça fait 4 à 5 ans que Bordeaux est dans le deuxième quart du championnat. Et juste ça. Extrémiste. Et de pas beaucoup. Donc c'est quand même des indicateurs. Quand tu passes ta saison à arriver à descendre jusqu'à la 18e place, ce sont des indicateurs, ce sont pas des indicateurs de bonne santé. Ton club arrive à survivre, mais je suis désolé, Bordeaux n'est pas un club en bonne santé. On n'a pas fait des jeux, tiens, j'ai oublié de mettre mon coach, mais si j'avais mis un coach, ça serait Bop. Pas parce que je suis pas content de ce qu'on a fait sous Laurent Blanc, juste parce que ça a été la durée, la longueur, la longévité dans laquelle tu étais au moins quatrième. Au moins quatrième. Tu étais de 98. Oui, mais c'est toujours pareil, Marc. Tu étais quatrième avec un PSG à l'époque faible, avec un Lyon qui était la seule équipe qui dominait, mais avec un Lens, avec un Lens bien meilleur, avec un Nantes, 2003-2004, mais avec un Nantes beaucoup plus fort, avec un Monaco beaucoup plus fort, avec un Saint-Etienne plus présent. Je suis désolé, vous pouvez même dire, vous m'enlevez Paris, on dirait Paris, ils étaient pas là. Dans les années 2000, Saint-Etienne sont. Et Lyon dans les années 2000, c'est pas vrai, ils sont en haut. C'était le seul, c'était le Paris d'aujourd'hui. Mais déjà, tu me dis une connerie. Il y avait pas de limite, ils avaient pas de rivaux. Mais l'année c'était Lens, l'année d'après c'était Metz. Tu comprends pas, tu écoutes pas. J'ai jamais dit que Bordeaux était premier et que là ils n'étaient pas premiers. Hein. Je comprends même pas ça. Je te dis même pas d'être troisième. Je te dis que pour être quatrième, on est. Mais tu me prends Paris, ils surdominent. Mais on s'en fout. Que tu aies un club qui surdomine, c'est pas un problème. Je te dis juste que t'as été quatrième et t'étais en haut tout le temps. Je te dis pas que t'étais loin ou pas de la première place ou t'es accroché le wagon européen ou pas. Tu étais tout le temps au minimum quatrième. Et dans ces années-là, eh ben, il y avait pas Paris, mais il y avait un Marseille qui tenait plus la route que ça, parce que Marseille a pas toujours tenu la route, hein. Il y a 2-3 ans, c'était catastrophique. Il y avait beaucoup d'argent dans Marseille à cette époque-là. Donc tu existais et tu avais un coach qui a été sur la longévité. Là, on n'y est pas. On fait 6 mois à chaque fois très très bon. On l'a cité l'année dernière. On fait 3 phases où on est premier du championnat et 3 phases où on est dernier du championnat. Mais quand tu fais autant de yo-yo, c'est que tu n'es pas en bonne santé. Mais à chaque fois, c'est la deuxième année des entraîneurs depuis Laurent Blanc, donc Gillo, Sagnol, etc. C'est la deuxième année où ça pète. La première année, généralement, on arrive à choper. Oui, Sagnol, c'était ça. Gourvenec, c'était ça. Voilà. Donc il y a quelque chose qui fait qu'en deuxième année, soit les coachs disent bah, « j'aimerais bien faire pareil, voire au-dessus, mais malheureusement, même s'ils se disent on ne peut pas mettre plus d'argent, et voilà. » Mais il y a forcément, il y a un moment, deuxième année, ça pète. Est-ce que là, avec les Américains, même si je trouve quand même que 80 millions d'euros sur 3 ans pour faire marcher le club, donc transfert, budget, salaire, etc. et tout, c'est quand même pas folichon. Après, faut pas. Alors évidemment, on est. Enfin, ça c'est la nature humaine qui est comme ça, qui veut qu'on se méfie de tout ce qui est nouveau et en. On a eu des cas en France qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'on a eu des exemples avant. Et sans parler même que de Lille, je peux vous parler du Mans. Des clubs moindres, mais le Mans, Grenoble, Sochaux qui est en train de couler. Colonie Capitale qui a failli couler Paris. Le Qatar est arrivé. Mais il faut pas non plus, voilà. Moi, je pense, et alors, parce qu'on dit des choses pas très négatives, mais voilà, faut voir les choses côté positif. Je pense que ces gens-là vont amener, si ce n'est de la compétence, parce que je ne connais pas la compétence de ces gens, parce que ce que je sais, c'est que les Américains, c'est les plus professionnels du monde. Du monde entier, sur toute la planète, il n'y a pas plus professionnel qu'un Américain. $1, c'est $1. Donc, je pense que. Ça commence à arriver les Chinois. Oui, et les Chinois. Mais je pense que, voilà, je pense que ces gens-là vont amener un professionnalisme, mais qu'on imagine, je pense qu'on imagine même pas, comme les Qataris ont amené un professionnalisme au PSG, ça a fait bizarre à tout le monde quand Leonardo il est arrivé, il a dit voilà, maintenant ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, les entraînements il y aura des capteurs et machin. Ouais, mais il est parti, Leonardo est parti. Il est parti parce que le on va pas refaire le débat, mais parce que le foot français supportait pas qu'un étranger vienne faire la loi en France, ils ont profité du seul moment de où il explose pour le foot dehors. Mais bon, après ça c'est autre chose. Bref, ils supportaient pas qu'un Brésilien vienne leur donner des leçons. Ben ouais, mais faut pas oublier une chose quand même, les enfants. C'est que le championnat français, parmi les 5 soi-disant grands européens, on est celui qui naît le moins. Que disent les joueurs et les entraîneurs français quand ils partent à l'étranger? La première chose qu'ils disent, je me rappelle de Garcia. Ça n'a rien à voir du tout. Mais si on travaille plus, on écoute plus. Eh ben, merci mieux, Aurélien. Etc. Tu vois, j'ai même pas besoin de le dire. Mais à chaque fois, depuis des années. Si ces gens-là amènent ce que moi j'attends d'un club de football professionnel, c'est-à-dire du professionnalisme et plus cette gestion semi-amateur à la papa du dimanche matin, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Louis Triau, au bout d'un moment c'était plus possible, tu vois. C'est bon. À un moment donné, on est professionnel. Alors, ça plaira pas peut-être à tout le monde. Il y aura peut-être des mécontents. Il y en a qui seront pas contents parce que certaines méthodes vont peut-être changer. Voilà. Il y aura peut-être des méthodes qui vont. Eh ben, c'est pas grave. Et malheureusement, il faut s'y attendre aussi. Il y aura peut-être des gens au club qui vont perdre leur boulot. C'est ça aussi. Mais du marché. Amis, vous les auditeurs, vous êtes peut-être pas au courant. Nous, des fois, on entend certains. Voilà. Et Marc vous l'a dit tout à l'heure à ce micro, donc c'est même pas un secret. Il y a certaines personnes au club dont on se demande, comme Marc disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fout là quand t'as deux fois plus d'employés, c'est ça, que t'as deux fois plus d'employés qu'à Lyon pour deux fois moins de résultats. Faut se demander ce que les deux, tu vois ce que je veux dire, la moitié ce qu'ils foutent là, quoi. Ouais. Bref, voilà. Marquinhos, ton 11 déjà, et après, ah oui, ton 11, avant de terminer, parce qu'on est déjà à l'avant. On rappelle quand même, deuxième émission, on rappelle parce que ce soir je me suis amusé à suivre les stats des Unimat. On reprend les nouvelles émissions, commencent maintenant à 20h et finissent à 21h30. Donc on a exceptionnellement un petit peu dépassé. Il y a beaucoup de monde ce soir sur le chat. Il y a beaucoup de monde. Donc voilà, pensez à ce petit point. Je suis désolé, très chaud de terre, donc j'ai oublié le. Aurélien. Voilà. Oui. Ton 11, tu peux nous dire aussi ton coach. Ton 11 de l'ère M6. Voilà, après j'en ai d'autres. Mon coach, déjà, c'est très facile, c'est Eliboop. Ça restera, voilà, ça restera... Le plus régulier, on va dire. Le plus régulier, ce qui est plus resté longtemps, celui avec qui j'ai eu mes premières photos, mes premières discussions voyants et tout en tant que coach. Donc c'est lui, quoi qu'il arrive. Après, en gardien, donc, je vais dire Carrasso, parce que Ramé est arrivé avant M6. Oui. Ah, mais si, Ramé... Oui, il arrive en 97. Voilà. Alors, quoi que j'ai quand même hésité avec Frédéric Roux, je sais pas si vous en souvenez, oui. J'ai quand même hésité à un moment donné. Exact. Voilà. Et Kevin Olympe, bien sûr. Voilà, après à gauche, je dirais Tremolinas, à droite Chalmé, honnêtement, voilà. Enrique, défenseur central. Après, je vois bien, je veux dire, Nissa Salvegic pour le côté, voilà, pour le côté 98-99. Ah, ça j'aime bien. Fernando, milieu def. Après, un petit Mikou avec Gourcuff, Wendel à gauche, à droite, le problème c'est qu'à droite, je dirais Malcolm finalement, et en attaque, je crois que le dieu Paoletta, quoi. Moi, la même que toi, sauf que, alors, parce qu'on peut, tant qu'à faire, bon, parce qu'on donne les nôtres, on finit l'émission, parce qu'on n'a pas donné les nôtres, je crois encore, c'est ça? C'est ça, faudrait juste que je fasse je parle deux minutes et c'est bon. Ben. Alors, dans ce cas-là, on termine avec Aurélien maintenant, et après on terminera avec toi, Enzo. Donc Aurélien, merci beaucoup. On va se quitter là-dessus parce que on va terminer en deux minutes. Non, mais voilà, t'es le bienvenu. Tu nous rappelles quand tu veux. Il y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et puis, après la qualif, y a pas de souci. Voilà, la phase de groupe qu'on passe facile. Il y a pas de souci. On a les 5 premiers championnats et tout. L'argent. Il y a pas de souci. On sera là lundi. Voilà. On sera là vendredi après le match. On sera là lundi avant match aussi. Donc il y a pas de souci. Avec grand plaisir. Ben merci à vous, puis bonne soirée, bon week-end. Merci bonne beaucoup soirée, à toi également. À plus. Ciao. Merci, au revoir. Donc, nos compos d'équipe avant que tu termines. Comment t'appelles-tu, Enzo? Oui. Moi, il y a quand même un joueur que personne nous a cité. Et je trouve ça quand même hallucinant de ne pas l'avoir vu. Le son sonne encore, ça serait bien de couper le retour. Mais comment pourquoi tu l'entends et moi je l'entends pas? C'était sourd. Parce que j'ai le casque réduction de bruit et que j'entends tout ce que vous dites. Excuse-moi. Donc, tout à l'heure je m'entendais pas. On peut éviter de finir à 10h parce qu'il est moins le quart, donc voilà. Et que je suis déjà en retard. Alors, Ramé ou Carrasso, je vous avoue qu'il y a match, mais quand même Ramé, parce que c'est l'homme des titres. À 13 ans, quoi. Et puis c'est l'homme des titres. C'est-à-dire que Carasso, au final, il a gagné quoi? Une Coupe de France? Bah oui. Ouais. Oui, c'est tout. Non, mais l'autre a tout gagné. Et c'est tout. Voilà. Donc Ramé, même si je le déteste dans son rôle qu'il a actuellement, je dois quand même reconnaître. Voilà. Vous voyez, et Croustibat sur le chat, lui, tu as raison. Et il y a un autre que personne a cité et je comprends même pas, c'est hallucinant. Arrière gauche, on est tous d'accord. Très bon. Fais ton truc, ne nous demande pas si on est d'accord et on donnera défense centrale, je vous ai dit Planus et sa Belgique. Arrière droit, les mecs. Personne a cité Mariano, bordel. Mais attends, on n'a pas fait nos équipes. T'enflamme pas. Bah, le chat, j'avoue, j'ai pas regardé. Je suis pas en fait. Fais ton équipe, commande pas, on va la donner. Tu vois. Alors moi, 4-4-2, hein, le 4-3-3, je vous le fous à la poubelle, j'en peux plus. Ensuite, vous me foutez un milieu récupérateur, Fernando, et alors après, j'hésitais à mettre soit Diarra, soit Smertin. Ah. Et Smertin Costa, ça vendait du rêve quand même. Mais Diarra. Mais Diarra, ouais. Mais Diarra quand même. Comme Diawara, en fait, parti à l'Olympique de Marseille. Mais Diarra quand même. Mais Smertin, ça vendait du rêve quand même. Donc, je. Allez, sur le banc. Mon milieu gauche. Wendel. Mon milieu droit. Malcolm, ça. Franchement, ça me fait chier de mettre Malcolm. Mais en même temps, je me dis. Attends. Ah si. Prince Ali, garçon. J'ai oublié. Mais attends, les enfants. On a cité personne de l'époque 98. Si, il y avait Benarbia, il y avait. Si, vas-y. Ouais, sauf que Benarbia, il arrive, il est pas là l'année où M6 il s'en va juste après le titre. Donc, je peux pas le mettre. Mais voilà. Alors, à défaut, je foutrais un Miku dans l'axe. Ouais, donc du coup, je fais un 4-3-3. Fais chier. et une attaque. Paoletta Cavenaghi, pour moi, c'est juste un. Gourcuff. Il n'y a pas de Gourcuff avec Seb. Ah ouais, tu peux pas tous les mettre. Ah hein, c'est chaud. Bah ouais, mais une fois que j'ai mis Diarra Fernando, que je mets. Tu mets pas Gourcuff selon toi, c'est tout. Ouais, je suis à droite alors. Ah putain, mais j'ai pas mis. Bon, la prochaine fois, réfléchis à ta compo parce que tu me faisais ils ont pas réfléchi. Je vais t'en faire une où on sera tous d'accord. Olympa, Faubert, Sané, Capsis, Bruno Basto, Yamberé, Celades, Ben Kalfala, Riera, David Christian. Là, je vous ai tous niqué. Je pense qu'il y en a certains dans cette équipe qui n'ont pas à y être. Mais bon, après. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai eu du mal à composer mon milieu récupérateur. Capsis, au début, j'avais mis Sané et Yamberé, mais il me fallait un 6. Donc voilà, bon. Tout le monde met Chamac. Moi, je mets pas Chamac. Hein. Alors, pour ma part, en fait, j'ai essayé de faire une compo qui tenait la route, même si au final, je trouve qu'elle tient pas la route. J'ai mis Ramé, Mariano, Planus, Savelji, qui est Trémounas. Tu vois, on a fait pareil. Je crois que Savelji, j'ai dû faire une faute d'orthographe. Diarra, Fernando, Miku, Gourcuff, Wendel. Et devant Paoletta, donc Paoletta seul en pointe comme ça, je suis pas sûr que ça marche des masses. Et en remplaçant, j'ai mis Carasso, Chamac, Plasil, Malcolm. C'est vrai qu'on aurait pu en mettre plein d'autres. Et j'ai mis Koundé parce que pour moi, s'il faut retenir un joueur de cette équipe qui, je pense, dans la durée, marquera un petit peu Bordeaux, c'est quand même Koundé que je trouve extrêmement talentueux. Et ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas vu. Donc je trouvais qu'il fallait quand même un joueur de cette époque-là. Donc j'ai mis Koundé. On l'a eu sur le chat, j'ai eu la compo de Dexter. Alors, il a fait 2-11. Il a un 11. J'ai essayé de me comprendre, j'ai pas compris pour un subjectif. Le 11 objectif. Ramé, Chalmé, Planus, Diawara, Trémounas, Diarra, Smertin, Miku, Gourcuff, Cavenaghi, Paoletta. Donc, voilà. Moi, elle est là, mon équipe. C'est celle que je voulais faire. Et son 11 subjectif, Carasso. Il y a Cavenaghi dedans? Oui. Carasso, Mariano, Planus, Enrique, Trémounas, Diarra, Mavuba, Wendel, Gourcuff, Diabaté, Cavenaghi. Cavenaghi, je l'aurais bien mis, mais en final, il a jamais réellement explosé à Bordeaux tel que. Il a jamais réellement explosé à Bordeaux. Mais c'est moi qui l'appelle explosé. Ah oui, c'est marqué 45. Mais non, mais sur l'année de 2009, il fait pas partie du 11. Il a souvent eu des blessures. Sur aucun coach, il a été titulaire indiscutable. Tu veux que je te rappelle les matchs à Monaco, les matchs à. Enfin, je sais pas. Sur aucun coach, il a été titulaire indisculpable. Sur aucun. Si toi, pour faire ton 11, il faut que le mec, il était titulaire. Moi, je m'en bats les couilles. Il y a des titulaires. Ils m'ont pas fait bander. J'ai adoré ce joueur. J'adore toujours ce joueur. Mais si je dois faire un 11 des joueurs qui ont le mieux marché sous leur M6. Ben, Pauleta et Chama, quoi que tu en dises, ont mieux réussi qu'Avenagi. J'irais même qu'un Diabaté a mieux réussi qu'Avenagi si tu prends son temps de jeu. On a oublié de check, ouais. Donc, ouais, j'adore Avenagi parce que j'adore son jeu et que j'aimerais que le Bordeaux ait un jeu qui corresponde à ce type d'attaquant. Voilà, mais Bordeaux n'a jamais fait avec Avenagi ce que Bordeaux a fait avec Pauleta. Et pourtant, avec Avenagi, il aurait fallu faire la même chose qu'avec Pauleta, c'est-à-dire construire une équipe pour faire marquer Avenagi. On n'a jamais fait ça et on a voulu intégrer Avenagi dans un collectif, chose qui pour moi était très compliquée à faire, surtout en Ligue 1. On avance. Voilà, désolé d'avoir pris la parole. Parce qu'il reste 10 minutes et dans 10 minutes il est 10h, donc on va avancer. Et on a attendu la deuxième émission pour finir une demi-heure en retard. Ouais, pas mal. Ouais, c'est mignon. On s'est tenu. Rémi. Du coup, ça va. Alors, moi j'ai mis Ramé, Trimoulinas, Planus, Fernando en DC. Après, j'ai mis Chalmé. En défense centrale, il est pas mort. Oui. D'accord. Putain, la blague de nul. Après, j'ai. On s'étonne pourquoi on termine en retard. Voilà. Après, j'ai mis Wendell, Diarra, Mikou, Wiltord à droite, puis j'ai mis Gourcuff, Pauleta. On a oublié Wiltord, on a oublié l'Aslan. Ah non, l'Aslan. L'Aslan aussi, ouais. Putain, on a oublié Alain Roche. Voilà, tu pourrais en faire deux, même des 11. Quoi, faire un 22? C'est un groupe de 23 qu'on devrait faire, c'est même pas un 11. Parce que là, Moi, je suis resté simple, et comme la plupart des gens. Simple et funky? C'est ça. Funky, oui, ça tombe bien. Alors, moi, c'est que Ramé au goal, dans l'axe, Enrique et Planus, à droite, Mariano, à gauche, Tremouinas. En deux milieux, Fernando Diarra, en 10, Gourcuff. À droite, Malcolm, parce que, enfin bon, même si il a pas forcément marqué énormément le club non plus, c'est quand même, il a quand même du talent. C'est double asile. À gauche, Wendell. Voilà, le chouchou, il est là. Et après, devant, Pauleta. Voilà, rien de plus simple. Parfait. Merci. Et moi, monsieur. J'ai des choses à rajouter. Alors, rajoute et après, on termine. Alors, à rajouter, pour ceux qui ne savent pas, la Ligue 2 a commencé ce soir. Eh oui, j'allais en parler, alors, camarade. Vas-y. Domino's Pizza. Tu veux dire tous les résultats ou pas? Bon, rapidement, parce que beaucoup de buts. Le Red Star qui a perdu chez lui contre Nîmes. Voilà, moi, je voulais surtout retenir des matchs. Il y en avait deux qui étaient surtout intéressants pour Bordeaux. C'était le Gazélec et contre le Paris FC. Le Gazélec, il y a Boupenza qui a été prêté là-bas et qui a joué sa bonne trentaine de minutes. Et qui a marqué avec le Gazélec? Mais c'est pas Boupenza. C'est Jérémy Blayac. Wow. Il a joué sa trentaine de minutes. Après, il y a l'autre match qui nous intéresse aussi. C'était Valenciennes-Auxerre. Avec Daniel Mancini. Match, victoire 3-1 de. C'est ça. Enfin, qui est en train de se finir là. Face à la gros derby. Et Mancini qui a joué, sa bonne vingtaine de minutes aussi. Donc, c'est plutôt intéressant pour nos joueurs qui viennent d'être. Rajouter à ça la victoire de 3, récemment relégué à Ajaccio 1-0. De Béziers, promu. À Nancy. Qui jouait la montée l'an dernier, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, la descente. 1-0 de Lens, qui a gagné 2-0 à Orléans, du match nul, tu l'as dit, du match nul de Châteauroux à Clermont, et de Grenoble, qui a battu Sochaux 1-0. Où a été prêté Bernardoni a été prêté à Nîmes en Ligue 1. Parfait. Merci. Et la Ligue 2 qui reprend très très tôt cette saison. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils font toujours reprendre la saison. Bref, la Ligue 2 de saison. À noter que Boupenza n'a pas. Il commence bien pour son premier match, il a pris un deuxième jaune, il est rentré en 30 minutes et il a pris un rouge. Olé ! Ah ouais. On va dire, il était motivé, il avait envie de montrer que. Bien, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve lundi, même heure. C'est-à-dire 20h. Ben non, pas même jour, Kono, on sera lundi. même 20h, 21h30. Nouveaux horaires, donc imprimez-le dans votre petite tête maintenant, c'est 20h, 21h30. On parlera de ce qu'on devait parler ce soir et qu'on n'a pas eu le temps de parler. Ça, c'est et bien on français, parlera ça. Aussi notre jeu qui viendra Enzo à la fin. Vous présentera ce qu'il a mis au point pour. On vous propose un petit jeu, on vous a déjà proposé. On vous a déjà proposé de vous prendre pour le propriétaire des Girondins, recruteur. Voilà, vous faites votre équipe, il y a 2-3 petites règles. Enzo vous fera un petit débrief. Voilà, si vous cherchez toujours, c'est toujours sur les réseaux sociaux, c'est toujours en tête d'affiche. On en profitera pour coupler ça au sujet mercato, transfert et Malcolm. Yeah. Et on aura avec nous un auditeur qui voulait nous appeler ce soir, donc du coup on va le décaler à lundi. Voilà. On parlera évidemment du match de Van Pils, du match que vous avez vu, Enzo, puis Adrien sera là aussi pour en parler, parce qu'au moins 3 ça ira. Vous aurez peut-être le temps de regarder aussi. Tu feras un petit replay. Où? Sur quelle chaîne? Sur qui? Moi je veux bien le revoir en replay, mais sur quoi? Girondin TV, il passe tous les matchs. Non, mais je te déconseille. Enfin, le coup franc de Youssouf est magnifique. T'as vu le match. Donc, vous nous en parlerez. Et puis, on essaiera d'avoir au téléphone peut-être quelqu'un qui était là-bas. J'ai vu que sur la page Facebook de l'émission, il y a quelqu'un qui nous avait contacté pour. Enfin, bref, je vous raconterai. Il y avait une soixantaine d'ultras aussi qui étaient présents déjà. On a bien entendu. Et aussi, lundi, il y aura quelques auditeurs. Ça va être compliqué d'appeler parce qu'il y aura quelques auditeurs qui seront là aussi pour présenter leur mercato qu'on qu'on aura désignés et qui viendront aussi présenter leur mercato. Voilà. Merci donc, Jessica. Et puis merci à toi Enzo d'avoir... Jessica, on va l'appeler maintenant pour secrétaire. Merde. Voilà, donc on se retrouve lundi. Lundi, on risque d'être nombreux. Si Adrien est de retour, si Cyril est de retour, si... Bon, on sera 7. Jade devrait être là. Jade devrait être là. Impeccable, on va pouvoir se... Mais on va pas se propose-lui le jeu. Dispo. Propose-lui le jeu. Qu'elle le fasse aussi le machin là. Okay, pas si elle a envie. Allez, donc merci à vous messieurs. Bon week-end. Pas de foot ce week-end. Aussi. Donc reposez-vous bien. C'est chiant les week-ends sans match. Oh, putain, c'est chier quoi. Ce bordel. Voilà, merci à vous. T'inquiète, ça reprend jeudi. Ah bah oui, allez, jeudi, venez au stade, il fera beau, il fera 37 degrés, il y aura des touristes, il y aura des... Et il sera surtout 21h, donc il fera Il sera 20h45, degrés. Il fera un peu moins vous de 37. Vous serez au milieu de la plage. Vous serez à l'ombre, il fera beau. Il y aura un beau maillot. Donc venez. Sauf, la seule excuse que vous avez, si vous êtes allé à la plage et que vous me dites que vous n'êtes pas là pour le match, si vous mangez à la cabane à la cano, on fait chier ça. Avec les frites françaises. C'est votre seule excuse. Il y a que ça, il connaît que ça. Ah non, mais c'est juste le meilleur restaurant du monde. Non. Mais si. Mais non, parce que le meilleur restaurant du monde, c'est Moula, moi je vais. Non, c'est Moula, je vais. Et il n'y a pas mieux au monde. Il est très très très très bon ce restaurant. Allez. Il est sympa. Merci à vous messieurs. Donc on se retrouve lundi. On vous souhaite d'ici là de passer. Merci à tous les gens qui ont participé. Merci aux chatteurs. Vous étiez nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Il y avait des nouveaux, il y avait des anciens. Merci à tous les auditeurs. Merci à ceux qui nous ont appelés. Aurélien, Rémi, avec Florian, Daniel, Jackie, Michel, Brazer. Merci à Clément Carpentier de 20 minutes qui était avec nous en début d'émission. On se retrouve lundi 20h, 21h30. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Non, une bonne semaine. Un bon week-end. Et allez, bordel.